Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. On prendra une dernière croûte pour la route dans notre segment alimentaire. Une grosse pointe en dresse. Et Tania tâchera de nous changer les idées. Oui, dans sa chronique, Tania is gonna entertain you. Assemblage Reiki commence. Et je termine. Tout de suite. Assemblage Reiki. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Reiki. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage Reiki. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Reiki. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage Reiki en ce jeudi 24 mars 2016. On est en direct des studios de Sifu à Trois-Rivières à 33 jours de la fin de l'année scolaire 2015-2016. Pour la plupart! Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. C'est sur notre chanson thème de Vesper Yéter, remaniée par les risques du plasmique qu'on débute aujourd'hui. Tania, on a un bon plan devant nous. Oui, quand même, hein? Plan chargé aujourd'hui. Absolument. À 8h30, on fera une grosse pointe en dresse, notre chronique alimentaire où on goûte à un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit acheté en épicerie ou en magasin grande surface qu'on ne devrait pas manger parce que c'est malsain, de la malbouffe. Mm-hmm. On va faire ça à 8h30. Ta chronique s'en vient, Tania is gonna entertain you, what's up? On va parler de En Piste avec Tania Baudin. En fait, je fais un bref retour sur tout ce qui se passe en course automobile présentement. Génial, on va aussi acheter des gadgets dans Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a, mais on débute dans quelques instants avec un invité spécial, Samuel, qui va venir nous parler du communautaire, c'est salutaire. Ça s'en vient dans quelques moments, juste après cette pièce de Dead Obies. Parce qu'on le fait attendre un peu. Voici Waiting. Oh, oh, merci. Oh. Réaction à mon gag, je pense. C'était Assemblage Reiki. Jusqu'à 9h30. Puis c'est pas mal ça après. Stand by, c'est quand tu veux. Just let me get high tant tu peux, man. J'prends mon temps, moi j'suis rendu vieux. Tu t'en crisses, well, guess qu'on est rendu dedans. Ha, veux-tu bien? The fuck you mean, j'suis pas d'y aller. Matter of fact, I was born ready. Short stack, but the burnt bread. It could do it all, they heard it. Trois yeux fermés, deux mains dans le dos. Wanna smoke that dope? Why give a shit? I mean, quitte, I'm done, y'en show, we can talk money. Check ton langage, parce comme on dirait dans le know. You my goody, fuck you pay me, cordialement bon, and I'm out like that. Keep you waiting, baby, you know how it goes. Twist the cigarette when I'm ready for the show. Whoa. Go de 0 à 140 km dans un Renault juste pour make it to the show. Then or no, and another ain't to the post. J'prends une pause, j'pense pas que personne sache ni pis for sure. I don't think that they know où est-ce qu'on s'en va for sure. They know, they don't know. No, c'est pour ça que j'fais rien qu'à ma tête pis que j'envoie chier la moitié de la planète talking about me quand j'get sur le stage. Getting high comme la voix à Joe sur les midis pis la piste. Pis si t'attendais un message, j'pense pas que t'es fini de perdre patience. Mais si t'attendais pour l'album, désolé d'avoir fait attendre. I don't mean to keep you waiting, baby, you know how it goes. Twist the cigarette when I'm ready for the show. pour une paire de shoes. Mon gars, je pense que je suis fait pour être sous. Truce, roule, pas si mon gars douce. Sprends du chest pour être pour. Je pense que je suis fait pour juste do it. Tant que me donne en show, tant me fasse pour. En même temps que donne du fuck, mon gars. Tant que trempe le temps au couple, garde pour demain. En même temps, mais fucking enjoy, mon gars. 20-something, rolling the blunt, mon gars. Boy, you rock it, calling the sush. Boy, bear, ready to rumble, mon gars. Don't wait, yes, smoke the chest. Team Bose, team Dozen. Down the lodge, eating cup of cheetah stone. Get the stage, mon wiggish, eat. Vince, you're prêt to partir le beat. Deloise waiting. Tania a vu que je coupe le bout qui va commencer à l'instant. Où oui. On dirait que c'est Tania qui parle. Je m'attends à ce qu'il me décalisse la face. Ça, c'est vraiment nice. Puis aussi, je trouve que c'est Tania. Hey, j'attends à ce qu'il me décalisse la face. Je trouve que c'est Tania. C'est très délicat. Ouais, c'est ça. Ils m'ont appelé puis ils m'ont demandé de prêter ma voix super radiophonique à dire que j'aimerais ça me faire éclater la face. Éclater la face, tu t'auto-censures. Ouais. Ce qui est le fun, c'est que c'est une citation, fait qu'on peut dire décalisse la face parce que c'est une citation dedans la chanson. Exact. On pourrait pas être aussi vulgaire que ça sur nos ondes. Non, non, non. Il parle de mosh pit en plus dans ce bout-là, puis c'est agressif. On le sent. Il y a beaucoup d'agressivité dans ce bout de chanson. C'est du sens, ça vient droit du cœur. Bref, voilà, Deloise, Waiting, l'album, un nom particulier que Tania refuse de mentionner, de dire en ondes, Grisaft Gunzork. Et voilà. Tu l'as si bien eu. Quelqu'un qui a un nom quand même aussi difficile à prononcer parce qu'il est long. Samuel Chassé-Bergeron. Bon, Samuel Chassé-Bergeron qu'on accueille à l'instant. Bonjour à toi, premièrement. Bonjour Mathieu, merci de me recevoir en studio. Bonjour Tania. Ça fait plaisir. T'es là pour nous parler du Communautaire C'est Salutaire, un événement qui se passe. En fait, ça se passe jeudi, aujourd'hui. Ça commence à 8h30. Parle-nous de c'est quoi ça, le Communautaire C'est Salutaire, pour commencer. Mais le Communautaire C'est Salutaire, c'est une journée, donc ça commence à 8h30 ce matin, ça se termine à 16h. Mm-hmm. Et c'est une, ça provient du département de psychoéducation. On en est à la deuxième édition. Et la personne qui a commencé ça l'an dernier avait comme mission de créer une espèce de lien entre les organismes communautaires et le milieu universitaire. Donc, le public qu'on vise là, avec cet événement-là, c'est les professeurs, les étudiants de tous les domaines, parce qu'en fait, on n'a pas de prérogative avant. On ne veut pas dire c'est la journée de la carrière dans le communautaire, c'est la journée du bénévolat. Non, on veut tout simplement avoir des étudiants qui s'intéressent à ce milieu-là et qui comprennent la passion, en fait, qui est mise de l'avant par les gens qui travaillent dans ce milieu-là. Donc, on crée une espèce de lieu de discussion. Ça se passe à l'Atrium, donc de l'UQTR, pas loin du Tim Hortons à l'intérieur de notre univers. Ce qui est moins communautaire un peu comme endroit. Moins communautaire. Et on a 40 organismes cette année. Quel genre d'organisme? On peut avoir... on a des gens de Cidaction, Centraide, on a plusieurs maisons de jeunes, on a des gens qui travaillent en toxicomanie, on touche la santé mentale aussi. Mmh. Donc, on a près de 39, près de 40, en fait, on avait 39 confirmés, mais près de 39, c'est un peu spécifique. J'aime ça quand même comme spécificité. J'ai vu Réseau Hommes Québec. Tu sais, des choses qu'on ne savait pas qui existaient, mais qui sont là quand même. Calax Mauricie, je crois que c'est pour la violence contre les femmes, je crois. Absolument. C'est d'action. Et là, Autisme Mauricie. Il y en a plein d'endroits comme ça, des CPE. Donc, communautaire, ça englobe plein de choses. Qu'est-ce que les gens vont pouvoir recevoir comme information à cette journée-là? Ben, en fait, le matin, les gens des organismes sont à des tables et ils font une sorte de présentation libre. Donc, vous rentrez, vous êtes dans la pièce, tout le monde est bienvenu. Il n'y a pas une structure hyper définie pour la période du matin. Donc, les gens se présentent aux tables, parlent avec les organismes, créent des contacts. On fait du gros PR, on s'amuse, c'est très humain, on s'amuse dans les discussions, puis on découvre un peu leur milieu et leur mission spécifique, donc à chacun des organismes. Et ils vont tout simplement parler d'eux, parler des problématiques, parler de leurs besoins aussi. Et pour l'étudiant, en fait, c'est une belle opportunité de découvrir s'il n'y a pas des projets qui pourraient germer à partir de ça. Même un projet d'implication communautaire dans le cadre d'un cours, il est possible d'aller chercher des crédits pour leur barque. Donc, c'est quand même intéressant là, de voir ce qui peut germer de ces discussions-là. C'est pas nécessairement d'aller se présenter à une place et pour avoir un emploi là. C'est ça. T'amènes pas ton CV. J'imagine que tu peux, mais c'est pas le but. Ouais, mais c'est pas le but de la chose. Le but, c'est de se renseigner sur ce qui existe en communautaire pour après ça, peut-être faire un PICOM, comme tu as dit. Est-ce que tu as déjà fait un PICOM en communautaire? Est-ce que c'est pour ça que ça t'intéresse, ce genre de choses-là? Je suis présentement en train d'en faire un. En fait, j'ai été présent à l'événement l'an dernier. C'était une amie proche qui a instigé l'événement. Donc, cette année, j'ai dit, elle travaille maintenant dans le communautaire et plus dans le milieu universitaire, mais je lui ai dit, je vais quand même essayer de m'impliquer pour relancer le truc. Et les gens de psychoéducation ont décidé de faire un PICOM pour la promotion de cet événement-là. Mm-hmm. Donc, mon équipe et moi-même, on s'implique là-dessus depuis près de 2 mois pour être certain que cet événement-là rayonne à la hauteur des jeunes du communautaire qui se déplacent pour nous aujourd'hui. J'imagine que ça a bien été l'année passée, c'est la 2e édition. Est-ce qu'il y a une augmentation du nombre d'organismes? Est-ce que les gens vous approchent? J'ai entendu dire qu'on dépassait les limites. Les 39! Il y a trop de gens qui veulent s'impliquer là-dedans. Le taux critique de 39. Oui, en effet, on était 14 l'an dernier, donc 14 organismes à la première édition. 39 en montant cette année. Et on vise à continuer l'événement. L'UQTR a embarqué énormément. On a les gens des services aux étudiants, le groupe médias étudiants. Tout le monde a vraiment embarqué parce que ça passionne les gens. Donc, c'est quelque chose qu'on va revoir et revoir à travers les prochaines années. Martin Lambert et sa face de vedette du Nouvelliste ce matin. Oui! Cet homme extraordinaire. Il passe son temps dans nos bureaux, c'est pour ça. Il est en train de crier son propre nom. C'est ça. C'est Martin. Bref, tu disais que c'était organisé par toi et d'autres étudiants du programme de psychoéducation et psychologie. Combien est-ce que vous êtes à participer à la création de ce projet-là? Techniquement, le comité organisateur est, je crois qu'ils sont 8, très exactement. Et le PICOM, on est 5. Donc, ça fait une équipe de 13 personnes. C'est quand même une bonne équipe pour un événement comme celui-là, mais on a énormément de bénévoles aussi. Donc, on a une vingtaine de bénévoles qui provient du pavillon Michel Sarrazin qui englobe psychologie, psychoéducation et notre nouveau certificat en sexologie. Donc, beaucoup d'implications étudiantes de ce côté-là. Intéressant, ça. Certificat en psychologie, on n'entend pas... On n'a pas assez de parler de ça encore. On a une émission aussi assez fou qui en parle un petit peu, mais les gens ne savent pas nécessairement encore que c'est commencé. C'est ça. Donc, tantôt, tu as parlé un petit peu de comment ça se passait. Les gens entraient là, serrent des mains, entendent parler des projets communautaires. Mais je sais qu'il y a différentes phases de la journée quand même. Donc, dans quel ordre est-ce que ça se présente? Est-ce qu'il faut que les gens soient là à partir d'une certaine heure ce matin pour rien manquer maintenant? Non, en fait, on a fait ça ouvertement justement parce qu'il y a des cours le jeudi. Mm-hmm. Donc, les gens sortent de leur cours, peuvent venir sur l'heure du midi. Il y a un dîner qui était fourni aux gens qui s'étaient inscrits d'avance. Ouais, cependant, vous pouvez autres, quand même vous présenter. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est à partir de 11h, je crois, il va y avoir des conférenciers, mais ce n'est pas une conférence habituelle. Ce n'est pas 1h30 de quelqu'un qui parle d'un sujet spécifique. Ce sont des acteurs du milieu communautaire qui ont fait carrière dans ce milieu et qui font carrière en ce moment. Et ils viennent nous parler de leur parcours. Pourquoi moi, admettons, biologiste de formation, ça fait 30 ans que je suis à la tête d'une CDC dans le coin de Trois-Rivières. Pourquoi? Donc, il va expliquer exactement son passage dans le communautaire, ce qui l'a passionné. Et je pense que c'est là vraiment l'intérêt d'une journée comme celle-là, parce qu'on a des professionnels qui sont des moteurs, des vecteurs de changement dans ce milieu-là, qui viennent passer leur passion aux étudiants. Et je pense que ça, c'est une prise de conscience vraiment intéressante de ce que le milieu peut apporter professionnellement. Et ça va durer une heure ou deux, il va y en avoir dans l'après-midi. Et il y a un autre volet par la suite qui est les groupes de discussion. Ouais. Comment ça se passe, un groupe de discussion? Avec qui, premièrement? Ben, quand on veut créer une espèce d'espace commun pour discuter, ça prend un sujet, généralement, juste pour guider un peu les discussions. Donc, on a les organismes qui arrivent avec une problématique. OK. Donc, si je suis, grand frère, grande sœur qui était là l'an dernier, pour citer un exemple, eux, il y avait une problématique avec les jeunes hommes d'un certain groupe d'âge. Comment aller les chercher? Comment les passionner par ce qu'ils font, comment les toucher? Ben, dans une classe, on réunit professeurs, élèves et les gens de l'organisme. Et pendant 45 minutes, une heure, on va parler d'une problématique spécifique et on va brainstormer sur une piste de solution. Parce qu'on n'oubliera pas, dans les organismes, souvent, ils sont peut-être moins de 10 employés, moins de 5 et parfois 2 à 3 personnes. Donc, ils n'ont pas vraiment accès à des sessions de brainstorm. Et au contraire, pour l'étudiant, eh bien, on est souvent dans le théorique, on est moins dans le pratique. Nos stages sont peut-être loin, dépendamment du programme. Ça nous permet vraiment de travailler un peu ces notions-là avec un problème réel et trouver des pistes de solutions. Tantôt, tu as dit que c'était qu'on pouvait, entre autres, peut-être faire un PICOM avec un des sujets, mais c'est pas seulement ouvert aux étudiants, c'est ouvert à la communauté au complet. Ouais, c'est ça. Oui, absolument. Techniquement, on a été chercher les étudiants pour les limites de l'espace de l'atrium de QTR, mais l'événement va grandir, donc on va essayer d'aller chercher le plus de gens et on répond aussi à ce que les gens nous disent. Donc, on est à la deuxième édition, nos valeurs sont au même endroit, notre passion est toujours aussi forte. Cependant, on s'adapte vraiment à ce que l'événement devient par lui-même et les gens qui s'y présentent. Donc, on va voir pour ce qui est des prochaines éditions. Cette année, on vise les étudiants, mais le communautaire vient avec un lot de personnes qui sont très passionnées. Donc, c'est bienvenu à tout le monde aujourd'hui. Et les professeurs même peuvent y aller. Oui, tantôt, tu parlais d'inscription. Est-ce que c'est gratuit? Les étudiants n'ont pas besoin de débourser pour venir aujourd'hui, en fait? C'est tout à fait gratuit. Les inscriptions, c'était vraiment pour les groupes de discussion en après-midi. Cependant, il y a souvent des gens qui ne se présentent pas. Vous pouvez demander si vous présentez ou j'aimerais participer à ces groupes de discussion-là. Ça m'intéresse. Je crois que j'ai quelque chose à apporter là-dedans. Demandez aux bénévoles sur place. Je crois qu'il y a des possibilités de ce côté-là. Je ne fais pas malheureusement pas de promesses parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'intérêt. Donc, on est limité dans notre espace c'est et nos locaux. C'est d'être populaire, hein, quand même. C'est dur, la gestion. Ah, Tania. Tania nous comprend. Tania. C'est ça. Elle refuse des demandes Facebook à toutes les deux bon, minutes. Bon, bon, bon. Mais si les gens veulent plus d'informations par exemple Facebook, j'imagine qu'il y a une façon de vous contacter à quelque part. Facebook, courriel, Twitter, hashtag, whatever. Le plus facile, c'est par Facebook aujourd'hui. On est disponible là-dessus. Donc, c'est l'événement, le communautaire, c'est salutaire. Vous postez là-dessus, vous envoyez des messages. Sinon, très facile de se déplacer à l'atrium de l'UQTR, donc juste derrière le Tim Hortons à côté. On va être présent toute la journée, ça va bouger beaucoup. Et vous n'êtes pas obligé de passer, peut-être, si les gens s'intéressent, mais ils disent « je ne veux pas passer ma journée, j'ai des cours, j'ai autre chose », venez passer un 15 minutes, 30 minutes, puis ponctuellement, vous allez quand même vous imprégner un peu de ce que c'est une journée comme celle-là, et peut-être vous préparer pour l'an prochain aussi, là, pour la prochaine grosse édition. La troisième édition l'année prochaine du communautaire, c'est salutaire. On te remercie, Samuel Chassé-Bergeron. Félicitations pour ton café aussi, que tu as réveillé ce matin. Je pense que ça a aidé pour tout le monde. Faut bien commencer ça, cette journée-là, parce que ça commence pas quand même. Et ça commence tôt, puis ça n'arrêtera pas là, pour lui. Ça n'arrête jamais. Une journée longue, mais remplie d'activités et de mouvements étudiants et autres. Ça va être le fun. Donc, le communautaire, c'est salutaire. Merci, Samuel. Merci, bonne journée. Bonne journée à toi. Donc, on écoute Sarah Neufeld avec The Ridge. Et plus tard, on s'achète des gadgets inutiles sur Internet dans Ça existe, mais ça ne devrait pas là. Merci. Arrête de mimer ce que je dis, Tania. Ah, excusez. Je fais tellement mes phrases de la même façon tout le temps. Tout le temps. Excuse-moi, je suis trop actif dans la conversation. We'll be right back. C'est Sarah Neufeld et The Ridge à Assemblage Rocky. Autour de la pause, Tania, qu'est-ce qui s'en vient? Mime ma bouche pendant jeudi. OK. On va acheter des choses qu'on n'aurait pas achetées sur Internet. Dans un accès, ça ne devrait pas, là. Il faudrait voir sa face. Oui, ça. Caméra 3. Ah ouais, réveille-toi. Assemblage Rocky. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Rocky. Vous êtes assez fantastique. 89.1. Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cfou.ca. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage Reiki pour toi aujourd'hui. Vous êtes toujours à Assemblage Reiki en ce jeudi 24 mars 2016. Il est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Et tout de suite, on retourne sur Internet pour s'acheter des gadgets comme on l'a fait hier. Mm-hmm. Dans un bloc thématique cuisine de ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique des gadgets achetés sur Internet qu'on regrette instantanément. Et on commence avec une nouvelle qui, en fait, aurait très bien pu être dans la chronique Une grosse pointe d'adresse qu'on va faire tantôt. Vraiment. C'est un peu entre les deux parce qu'on peut pas se le procurer soi-même. C'est un matelas fait en gummy bears. C'est fou. Imagine dormir sur ces petits jujubes. C'est clair que tu colles à un certain point. Probablement. Surtout s'il fait chaud l'été. C'est ça. D'après moi. Bref, une petite collation avant de se coucher. C'est le gummy bear mattress, un matelas queen size. De la compagnie de meubles Craig's Bed, c'est eux qui ont demandé la création de ça. La compagnie l'a fabriqué en collaboration avec 12 Magazine. Ça a pris plus de... J'aurais demandé de définir combien de gummy bears mettait l'article devant toi. 26 ouais. 000 gummy bears. Craig's Bed dit que les ours sont en hibernation, donc on peut dormir sur eux sans leur faire mal. Oh. Ouais. À l'idée que la compagnie va utiliser ce matelas pour faire la promotion de ses nouveaux matelas Summerfield qui sont sans gummy. Donc j'imagine sans gluten. Eh oui. Ensuite, comme je sais, c'est un bloc alimentaire de bouffe. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment très proche d'une grosse pointe d'adresse. Allons-y avec la crème glacée la plus chère au monde. Oh mon dieu. Videz votre compte en banque et en même temps vous allez pouvoir satisfaire votre dent sucrée, comme on dit, avec une tasse, une petite bol de la crème glacée la plus chère au monde qui s'appelle Black Diamond. C'est fait à partir d'une combinaison d'ingrédients très très chers et quelques flocons d'or mangeable. Vous avez déjà parlé d'or mangeable. Ouais. À l'émission, qu'est-ce que c'était déjà? C'était de... Ben, c'est vraiment une feuille de papier qui est appelée or, parce que là, la couleur or, ouais. Et bien souvent, c'est badigeonné d'or. Donc, c'est de la véritable or, mais mangeable. Voilà, c'est simple comme ça. C'est chez Scoopy Café qu'on peut se procurer ça. Est-ce qu'il y a une adresse ou un endroit là-dessus? Je ne sais pas, mais... C'est en aux Émirats Arabes Unis. Voilà. Pour la maudique somme... Maudique! De 816$. C'est très maudique. Est-ce que si tu rajoutes de la... c'est quoi? C'est de la crème glacée qu'on ajoute pour le faire à la mode? Pourquoi ça va être à la maudite? Maudite? Oubliez la livraison, fabriquez votre pizza dans cette petite boîte à pizza qui est aussi un four à pizza. Oh, ça c'est cute! Si tu manges beaucoup de pizza mais que tu veux peut-être dépenser moins d'argent, il faut penser au Cuisine Pizza Box Oven qui peut faire cuire une pizza jusqu'à 12 pouces. Ça fonctionne avec les pizzas faites maison ou encore les pizzas congelées. T'auras pas à salir grand-chose, pas de fourneau à allumer et à réchauffer la pièce ou la maison au complet. Vous mettez la pizza dans ce petit four interne qui se lave très facilement. Pas de préchauffage et la pizza est cuite en 20 à 25 minutes. Le prix normal est de 59,99$, mais chez Target aux États-Unis, et je vous rappelle que vous pouvez commander au Canada chez Target.com. C'est vrai. Le Cuisine Pizza Box Oven est en vente pour 48$ américains. Oh! Ouh! Cuisine, C-U-I-Z-E-N. Ça ressemble, je dirais, à... on dirait un... c'est con parce que j'ai pas... Une affaire à pita. Une affaire à pita, OK, parce que j'allais dire sinon à un module radiophonique ou un tiroir c'est de classeur. Un tiroir de classeur. Mais en plus petit. Avec des boutons, qu'on peut tourner sur le côté, des petites lumières. Donc, Cuisine Pizza Box. Ensuite, le Pico. C'est un peu un Keurig, mais pour la bière. Mm-hmm. Fabriquer votre propre bière à la maison, c'est quand même amusant, mais aussi difficile. C'est un processus quand même assez long qui demande beaucoup de connaissances et d'équipement. Le Pico Brewer, par contre, enlève toute difficulté de la chose pour faire 5 litres de bière du début à la fin. Ce qu'on va faire, c'est choisir un pack d'ingrédients, ajouter de l'eau et attendre. La compagnie s'est déjà inscrite avec plusieurs microbrasseries, donc vous allez pouvoir fabriquer votre propre dieu du ciel. C'est cool. La bière québécoise Rogue ou encore Flying Monkeys à la maison. Pico Blue, la compagnie derrière le service et l'appareil, va aussi ouvrir un marché où les microbrasseurs vont pouvoir vendre leurs propres Pico Packs. Donc là, c'est les ensembles d'ingrédients. Créant donc un App Store pour la bière, si on veut. 600$ pour l'acheter, la machine au complet. J'imagine que ça vient avec quelques essais de packs. Mais quand même, pour faire votre propre bière, sur le long terme, si vous buvez beaucoup, beaucoup, beaucoup de bière, ça pourrait valoir la peine. On reste dans l'alcool avec l'Outer Space Vodka, qui est filtré par des météorites. OK. Tu sais, de la vodka, c'est de la vodka. Ça reste de la vodka, toujours de la vodka. Hein? Oui. Ça se ressemble pas mal tout le temps. C'est pas comme des spiritueux, comme du whisky qu'on peut vraiment choisir plus. En tout cas, moi, je connais pas ça tant que ça, c'est ce que l'article me dit. Donc, pour se démarquer des autres marques de vodka, ils ont trouvé une petite gimmick, Outer Space Vodka. L'idée de filtrer le liquide à travers des météorites et de mettre ça dans une bouteille qui ressemble à une tête d'extraterrestre. Ou en tout cas, une tête d'extraterrestre classique dans les films. La vision de certains réalisateurs à un moment donné que tout le monde a commencé à copier après. Ils disent pas que le goût est vraiment différent. Ils disent pas qu'il y a des avantages non plus. Ils font pas de fausses publicités. Mais quand même, ça a été filtré par quelque chose qui vient directement de l'espace. Une gimmick qui est la raison derrière le prix de 30$. Quand même. Ça quand même. Ensuite, c'est le Discommon Bottle Opener. Bon, une autre bouteille, c'est rien de vraiment très original. Hein? Ça ressemble dans ce cas-ci à un genre de souris de luxe. Ouais. Ou à une pierre précieuse. C'est vrai? Une souris à poule. Absolument, une souris à poule, oui. Tout ce qu'il y a de moins confortable au monde. Mm-hmm. Donc, le Discommon Bottle Opener, c'est un outil à décapiter vos bières avec un design avant-garde fait à la main. Donc, ça a été gossé à la main. Hand chisel. Le chisel étant un terme qu'on utilise pour quand on gosse une pierre ou quelque chose comme ça. Je sais pas c'est quoi le mot en français. Je pourrais chercher. Ça me prend 2 secondes. Chiseled. Comme des abdominaux sont des abdominaux. Oui, c'est ça. Des abdominaux peuvent être souvent taillés au burin. Ah voilà. Oui, voilà. C'est tout le temps, Caroline, qu'il y a les abdominaux taillés au burin. Au burin, ben oui. On sait toujours ça. Tout le temps. Bref, c'est hand chiseled. C'est fait avec de l'aluminium aérospatial. Ça vient soit en noir Gotham ou en champagne, en satin champagne. Et, en noir Gotham. Non, noir Gotham, comme la cape de comme Batman. Batman. Donc, il y a une... Il y a un petit un truc d'aluminium en dessous qui sert pour ouvrir la bouteille de bière. C'est vraiment rien de spécial, mais ça coûte 140$. Wow! Quelque chose qu'on ne voudra pas cacher dans son tiroir, nous dit l'article. OK. Ensuite, allons-y avec celui-là, tiens, c'est une façon de jouer comment on appelle ça? Avec les bateaux, là. T'as coulé mon bateau, là. Battleship! Battleship? Ouais, il y a un nom en français pour Battleship, il me semble. Oh mon Dieu, c'était quoi? Non, c'est pas Battleship aussi, en fait. C'est pas grave. Donc, bateau coulé? Je sais pas. Donc, c'est une façon de jouer à Battleship avec des shooters. Oh! Voilà. Et les shooters sont attachés ensemble par un morceau de bois avec 2, 3 ou 4 trous pour mettre vos verres de shooter. En fait, vous pouvez mettre les verres de shooter qui viennent avec. À ce prix-là, 170$, j'espère bien que ça vient avec. Donc, vous allez jouer pareil comme à Battleship, mais vous allez caler des shooters. quand même. Wow! Une bonne raison de boire. Touché coulé! C'est sur la boutique Etsy de All Cornhole. Vous pouvez acheter... évidemment, c'est traduit par traduction automatique sur Etsy. Donc, ça dit « Plan de bataille pour votre fête, avoir coulé le parti et boire ultime jeu, même ouvré, coloré, get coulé! » c'est fait à la main de bois massif, de verre à liqueur, réalisé sur commande. Et puis, c'est envoyé seulement aux États-Unis pour l'instant, mais s'il y a de la demande, certainement qu'ils vont l'envoyer ailleurs. Ça vient avec les crayons feutres, les socles pour mettre vos verres de shooter, ça vient avec les verres de shooter, les feuilles de papier... ou je sais pas c'est quoi le... C'est beau, par exemple, là. C'est un petit sac, je crois. C'est très, très, très beau. Vraiment fait à la main en bois massif, là. C'est vraiment beau. Mais tu sais, quand tu jouais à Battleship, t'avais des petites pinouches rouges pour savoir où est-ce que t'avais touché l'autre. Comment est-ce que tu fais avec celui-là? Je crois que c'était avec le crayon de feutre. Ah, probablement. Mais je ne suis pas certain. D'après moi, c'est ça. Tu l'écris sur la vitre parce que, bon, ça ressemble à une valise. Dans le fond, t'as la valise centrale avec la carte, la map monde avec les lettres et les chiffres. Bon, mettons B4, mettons. Mm-hmm. Et il y a les couvercles qui se ferment sur le côté. Et quand tu ouvres les couvercles, ça devient ta planche de jeu. Et là-dessus, tu mets tes pinouches, tes verres de shooter. Donc, d'après moi, tu peux écrire sur la vitre. Mais bon, quand sais-je? 170$. Ensuite, on a déjà parlé d'un hoodie avec une paille dans son capuchon pour que tu puisses boire de l'alcool dans une poche qui était intégrée à la veste. Tu te rappelles de ça? Oui. Ici, on parle d'un hoodie avec avec aussi un cordon, sauf qu'on peut fumer du weed. Et là là! Vap Rear et Hood Horkers. C'est des hoodies avec avec un cordon qui peut servir pour vaper. Vapoter, ou peu importe comment vous appelez ça. Vapoter, je crois le terme en français. Pas sûr que ça s'appelle vapoter quand c'est du weed, là. Peut-être pas, mais on peut faire de la vapoterie, du vapotement. De la vapoterie. Du vapotage. Du vapotage. De la vapotaison. Hein? Ouais. Ou encore fumer. Hein? Donc, le Vap R Wear Hoodie à 100$ qui inclut le stylo, le genre de... Ils appellent ça un vape pen. Je sais pas, je connais absolument rien là-dedans. Et un truc pour la bouche de l'autre côté. Donc, ça se connecte au vaporisateur de l'autre côté qui entre dans la poche d'en avant et peut vapoter des jus. De l'huile et de la cire. Il y a des modèles avec de l'herbe sèche aussi. Alors que le Hood Horkers Hoodie, lui, coûte 125$ avec un embout en vitre d'un côté et un bol de vitre de l'autre côté pour fumer de façon pratique et discrète votre weed. Yeah boy. Donc 100$ ou 125$, tu vois que les gens ont l'air quand même à la mode. Ça a pas l'air de trop paraître. Ils ont de la classe, même si la fumée leur sort du nez. Mais tu sais, ce qui est bizarre, c'est quand tu vois le gars commencer à s'allumer son coton ouaté. Ouais, genre, c'est un peu bizarre. Et aussi, on s'entend que l'odeur du weed... Même ça si vous l'avez... pogne dans le nez, là. Même si vous l'avez fait dehors ou dans votre voiture, ça sent partout. Tellement. Sachez-le. Vous pensez que c'est pas le cas, c'est le cas. Sachez-le. Il y en a qui savent pas. Une gourde maintenant qui se transforme en coupe ou en pinte ou en tasse pour le camping. Préparer son sac pour partir camper, ça doit être une mince affaire et toutes les listes du monde n'y feront rien, nous dit le Huffington Post. On oublie toujours quelque chose, la brosse à dents, la lampe torche, la gourde, le verre. Alors pour faciliter la vie des campeurs et des randonneurs, un designer industriel a mis au point un objet d'une simplicité étonnante, mais diaboliquement pratique. Si tu trouvais que mes phrases étaient plates... Les leurs aussi, hein? Huffington Post. ça ressemble à une gourde ou à un thermos, peut-être même un verre. En fait, le projet de Matty Martin, designer industriel à San Francisco, et tout ça en même temps. Sur Kickstarter, il présente la pinte, une gourde qui peut se transformer en coupe, en dévissant simplement le fond de la gourde pour fixer sur son bouchon, et le tout retourné donne une coupe. Donc, ça ressemble à de la pierre ou à du granit, je te dirais. Ça ressemble à un comptoir d'une maison industrielle. C'est composé d'une double couche d'acier inoxydable. De pinte peut aussi servir de thermos et conserver la température idéale pour les boissons chaudes et les boissons froides. La gourde peut également être accrochée à un sac grâce à une lanière fixée sur le bouchon. Côté design, les clients ont le choix entre deux coloris, granit et carbone. Il n'y a pas de Gotham Black, malheureusement. Vendus tous les deux pour 26$ chacun. Simple à utiliser, simple à nettoyer, simple à transporter. Le projet de Stable Goods Company a rapidement séduit les amateurs d'aventure en plein air, mais pas uniquement eux. C'était présenté sur Kickstarter en octobre 2015 et ça a très vite atteint et dépassé les 10 000$ demandés. Donc, là, en date de l'article, ça a monté à 26 000, mais c'est certainement plus haut que ça en ce moment alors qu'on se parle. 1808 contributeurs se sont engagés à payer 100 650$ pour le projet. C'est vraiment... Il demandait 10 000 $ donc c'est 10 fois plus que ça et plus. C'est cher. Oui, c'est cher, absolument. Mais bon. Donc voilà pour The Pint. Ensuite, Flaviar, boire des spiritueux, c'est cher. Oui, bien souvent, ouais. Donc, à la place de payer pour une bouteille que tu vas peut-être pas adorer, essayez Flaviar, un service qui choisit 1,5 once ou 45 ml de 3 à 5 spiritueux dans une boîte d'échantillonnage et s'envoie ça à votre porte à tous les mois. La sélection de Flaviar, des spiritueux, est plus grande que celle de votre magasin local, magasin d'alcool. Il y en a plusieurs milliers. Il y a des marques plutôt connues comme Jameson, McAllen, Lagavulin et Yamazaki. Tous les échantillons en fait contiennent une note avec l'appréciation dessus. Mm-hmm. T'as aussi l'application smartphone pour choisir parmi leur base de données de 15 000 profils de bouteilles. Et ça coûte 25$ américains par mois. C'est beaucoup moins cher que d'essayer ça à votre bar local. Mon Dieu, c'est vrai. Flaviar.com, c'est le nom de ce club. Voilà. Ensuite... c'est une bouteille d'eau pour les chiens, simple, quand même. Donc, l'extérieur est des fois un petit peu difficile pour votre chien. Oui. Des fois, vous allez acheter une bouteille d'eau ou la remplir ou peu importe, vous allez pitcher de l'eau dans sa bouche. Bon, ça peut fonctionner. Si votre chien préfère boire à même un bol, c'est une bouteille qu'on peut squirter, squeezer, pour faire sortir de l'eau dans une espèce de bol qui est en haut de la bouteille, mm-hmm. avec un trou, et le chien, dans le fond, évidemment, une fois que le liquide est sorti, il ne rentrera pas dans la bouteille, et le chien peut boire là-dedans pour rester hydraté, finalement. Donc, on squeeze la bouteille, on remplit le contenant en haut, et ça donne un bol d'eau rafraîchissant pour 20$ sur Amazon. En fait, il est à 30$ sur Amazon en ce moment. Ça a monté un petit peu, peut-être parce que les températures montent aux États-Unis en ce moment. Ah, peut-être! On n'a pas ce problème-là, hein? Peut-être. Ensuite, on reste dans la boisson avec un verre à saveur de fruits qui va tromper votre cerveau pour qu'il pense que votre eau est sucrée. OK. Ça s'appelle The Right Cup. On sait que l'obésité est partout, que les boissons sucrées jouent un grand rôle dans cette épidémie-là. Les gens préfèrent avoir de la saveur que d'avoir de l'eau qui goûte à rien. Donc, on peut remplacer ce sucre-là par des édulcorants artificiels, mais il y a des gens qui vont vous dire que c'est pas bon pour vous. Moi, je dirais que le goût n'est pas bon. J'aime pas le goût de l'aspartame, on en parle souvent. Ouais. Et de l'acide sulfame de potassium. Peut-être que vous n'aimez pas le goût de l'eau. Bref, une autre option, c'est le Ride Cup. Un verre traditionnel, mais il y a des saveurs de fruits directement dans les matériaux dont le verre est fabriqué. Mm-hmm. Comme ça, on peut boire de l'eau en sentant les arômes, ce qui va tromper votre cerveau. Votre cerveau va penser qu'il boit quelque chose de sucré. 80% de ce qu'on goûte passe par le nez, nous dit-on. C'est pour ça qu'on ne goûte rien quand le nez est bloqué. Hein? On demande 25$ ou une promesse de 25$ pour en avoir un potentiellement. Évidemment, c'est sur un Kickstarter, donc c'est jamais garanti. Et l'odeur devrait durer jusqu'à 6 mois. Donc, on dit que pour 25$, ça pourrait valoir la peine. En fait, c'est pas un Kickstarter, c'est un Indiegogo, je m'en excuse. Voilà. Ils sont rendus à 545 000, donc ça a été financé le 17 janvier dernier. C'est quand même. Ouais, le Right Cup. Trick your brain, drink more water. C'est mon genre de truc, ça, j'aime vraiment ça. J'adore l'idée. Ensuite... on a parlé de pizza tantôt, maintenant un papier d'emballage de pizza parfait pour un cadeau. Si vous avez un cadeau à faire à quelqu'un, c'est la fête de Tania vendredi, c'est ça? Oui. Exact. Mais demain, là. Moi, ben, c'est dépendant. Hein? Oui. Les gens ne nous écoutent pas tout aujourd'hui. C'est vrai, hein? T'as raison. Ben, ils nous écoutent toujours aujourd'hui, mais aujourd'hui n'est pas nécessairement notre aujourd'hui. En effet. C'est ça la subtilité. Donc, on passe beaucoup de temps à penser aux cadeaux qu'on devrait acheter à quelqu'un, mais des fois, on ne pense pas assez à l'emballage et des fois, c'est plate de juste donner un sac avec des calinours dessus ou, comme dirait Marine Le Pen, des bisounours. Donc, ici, c'est The Gift Couture Pizza Wrapping Paper. C'est un projet Kickstarter qui vous offre un papier d'emballage fabriqué à partir de 30% de papier recyclé. C'est sans acide et qualité archive. Donc, j'imagine que ça va vous dire qu'on va pouvoir le garder pour plus tard pour emballer plusieurs cadeaux. On demande 20$ pour deux feuilles de papier. Deux feuilles! 20$, 10$ par feuille. C'est aussi, ça comprend deux boîtes de pizza et deux étiquettes. On s'entend que ça leur coûte pas tant cher. Les feuilles mesurent 18 pouces par 24 et la boîte fait 6 par 6 par 1,75 de profondeur. Donc, emballé à l'intérieur de la boîte. Dans le fond, la boîte est plus épaisse qu'une boîte de pizza. Oui. C'est plus une boîte de deep dish pizza. Genre. Mettons. Et à l'intérieur, le papier va venir ressembler à une pizza. Vous allez pouvoir emballer votre produit en forme de pizza. Mm-hmm. C'est simple comme ça. Ensuite, on revient à des boîtes qu'on achète. Tantôt, on a parlé de spiritueux. Ici, c'est le Munch Pack. Pour explorer des pays exotiques, très lointains. Découvrir leurs habitudes culinaires. Donc, si vous voulez explorer le monde en termes de collations, il faut le Munch Pack. Ça contient une collection de collations d'à travers le monde en 5, 10 ou 20 collations. Donc, soit mini, original ou family pack. Family pack. Family pack. Comme si j'ai besoin d'une famille pour manger tout ça. En tout cas, donc des collations qu'on n'a pas nécessairement entendu parler, en fait la plupart, vous aurez jamais entendu parler, donc c'est des choses qu'on ne trouverait pas à l'épicerie. Munch Pack, 10$ et plus avec le code promotionnel Gear Hungry pour avoir 3$ de rabais via le lien sur assemblagerequis.com. On voit entre autres du popcorn cheddar bacon. Mm-hmm. On voit des noix au barbecue. Oui. Des bretzels, là, quelque chose. Mm-hmm. Du chocolat. Des Cheetos, là, Jigung Bakar, probablement une sorte asiatique de Cheetos. Probablement. Ils ont tout le temps des saveurs vraiment le fun. Et je pense que ce serait une excellente idée pour les amateurs de collation, le Munch Pack. Ensuite, on revient aux pizzas. Tiens, le Pizza Slice Toppings Divider. C'est une façon facile de faire une pizza avec différentes garnitures dessus. C'est fait en silicone. Donc, bon, vous avez votre plaque à pizza normale dans votre four, OK? Mm-hmm. Et tu veux faire ta propre pizza. Donc, tu vas mettre ta pâte à pizza sur la plaque. Tu vas venir insérer ce produit-là qui s'appelle le Your Slice avec un Y dans Slice. OK? Et tu vas amener ça dans la pâte. Et après ça, tu vas ajouter des garnitures. Donc, tu ajoutes là ta sauce tomate, tes olives d'un bord, pas de champignons de l'autre bord, simplement du fromage de l'autre bord. Pour vraiment les faire différents. Voilà. Et chacun va avoir sa propre pointe de pizza. Quelle bonne idée. 15$ pour ce gadget-là. Ah, juste ça. Et c'est disponible en plusieurs couleurs. Donc, orange, vert, mauve, rouge, jaune et une autre sorte de vert. C'est cool. C'est très, très bien. Donc, c'est chez AE Superstore, mais il l'a sur Amazon. Ensuite... c'est des céréales à saveur de café. Et non seulement à saveur de café, mais elles sont caféinées. Donnez-vous un petit kick de plus le matin en débutant votre journée avec un délicieux bol de céréales à saveur de café caféinées. Donc, c'est des flocons de maïs entourés, enrobés d'un mélange premium de café qui est faible en calories et à saveur à teneur élevée en bonne saveur de café. Voilà. Oui. J'ai fermé la page entre-temps, je savais plus où je m'en allais. Donc, bref, c'est ça. Faut commander sur coffee-cereal.com. Évidemment, bon, il y a plusieurs choses qui sont pas disponibles au Canada, mais on a parlé la semaine passée ou la deux semaines, la fois que tu n'étais pas là, du service où on peut commander un produit américain et se le faire livrer au Canada. C'est super cool comme endroit. Ensuite, c'est un casse-noisette assisté par un ressort. Hein? Pour divertir les gens, divertir les enfants peut-être. Tu sais, les grosses noix, là. Tu sais, les grosses noix, là. Mm-hmm. Qui sont difficiles à casser avec un casse-noisette. Oui, oui, bon, oui. Il faut vraiment de la force. Ici, c'est simple. C'est une petite plaquette de métal dans laquelle tu insères, sur laquelle, en fait, tu insères ta noix. Ouais. Oui. Tu insères tes noix là-dedans. Mm-hmm. Oui. Et là, tu as un ressort, hein. Et au bout du ressort, tu as un poids. Et tu peux te tenir un peu comme un joystick dans un peu comme le dans un pinball. Mon Dieu, ça éclate vite en plus. Hein? Tu sais, dans un pinball, tu tires sur la boule et ça va pow, oui. Frapper la noix dans ce cas-ci. Donc, 55$, tabarnouche! Hey! Ça peut être trop cher! C'est cher! Mais c'est super cute et ça ressemble à un ressort de porte qui va en arrière d'une porte pour empêcher. C'est tellement vrai! C'est vraiment ça. Donc, les chats pourraient aimer ça aussi si vous voulez un gadget pour votre chat. Si c'est pas un mâle, on voudrait pas qu'il se casse les noisettes. Non, faites attention. Donc, la plaque est séparée du reste et ça c'est super simple. Pour vrai, c'est un gadget vraiment cute qui a dû coûter cher à fabriquer quand même parce que ça a l'air de l'acier vraiment intense. Voilà. Au début de la chronique, on a parlé d'un matelas en gummy bears. Mm-hmm. Voici votre propre ensemble pour fabriquer vos propres gummies. Hein? OK. Donc, peut-être que vos enfants vont aimer ça, mais peut-être les adultes aussi. Devenez un Willy Wonka vous-même en fabriquant vos propres gummy bears. C'est un ensemble qui contient 3 recettes délicieuses et tout ce qu'il vous faut pour créer facilement jusqu'à 22 teddies, 9 poissons, 7 serpents gummy. Avec un petit goût de fruits qui va vous pincer les joues. C'est vrai. C'est un petit peu amer. $40.89 pour ce kit. C'est sur Amazon aussi. Le Cooking Gummy Candy Maker Kit. Le lien sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission d'aujourd'hui, le 24 mars. C'est cool. Ensuite, changez votre bouteille de liqueur de boisson gazeuse de 2 litres en une fontaine de soda pour moins de $5. Ah, OK. Oui, donc pour votre prochain party, vous voulez pas acheter une machine distributrice de vin, ou comme on a parlé dans la chronique d'hier, vous voulez y aller un petit peu plus cheap, tu sais, mm-hmm. Un petit peu plus basic. Donc, c'est le Creative Dispenser Adapter. On enlève le capuchon, le bouchon de notre bouteille de 2 litres préférée, peu importe la sorte, et on va visser l'adaptateur Creative Dispenser à la place. On va revirer la bouteille de bord et on va la placer sur une surface plane, parce que le bouchon contient une surface plane dans le fond, donc tu vas pouvoir mettre ta bouteille à l'envers sur le comptoir, par exemple. Et maintenant, ce que tu as à faire, c'est mettre le verre sur le bord du comptoir et je crois que c'est appuyer sur le bouton. Ouais. Non, squeezer tirer. La bouteille. Ça? Tirer? Ben, c'est pas clair. Il y a comme une manivelle. C'est pas clair parce qu'il y a l'air de tenir la bouteille, mais je pense que tu fais juste tenir la bouteille pour pas qu'elle tombe. Aussi. Bref, vous pouvez aussi la mettre dans votre réfrigérateur si la tablette est assez... peut supporter ça. On peut même mettre la bouteille dans le frigo avec l'adaptateur toujours attaché pour pouvoir toujours avoir votre liqueur à portée de main. C'est comme un genre de comment on appelle ça? Voyons l'affaire pour faire sa propre liqueur. Ben là. Voyons. Comment ça s'appelle? C'est stream sur le stream. Ah, sur le stream. Ouh, c'est comme un sur le stream, mais à 5$ au lieu de 300. Ouais, c'est ça. Parfait pour les gens qui ont des problèmes de dextérité aussi et de force. Parce que ça peut être lourd de lever un 2 litres de liqueur pour eux. Vrai. Donc, le Creative Dispenser, 4,89$ sur Amazon. Ensuite, c'est vraiment fantastique, la prochaine tasse, en fait. C'est la Donut Warming Coffee Mug. Pour débuter encore votre matin avec un petit kick en isolant votre café tout en réchauffant un beigne. Oh, c'est une si bonne idée. Ah, donc c'est une tasse en forme de tasse, OK? Sauf que le dessus est rempli. Donc c'est plus difficile à... Dans le fond, c'est plus difficile à laver, mais c'est comme... Mettons, imaginez-vous votre tasse qui aurait un couvercle intégré, OK? Mm-hmm. Et dans le couvercle, il y a deux trous, un grand trou et un petit trou pour pouvoir boire le café. Et tout ça est fait en céramique et l'espace sur le dessus de la tasse est exactement de la grandeur d'un beigne classique. Ouais. Donc ton beigne va venir se reposer sur ton café, la vapeur du café va venir réchauffer ton beigne et tout le monde va être content de ça. Mm-hmm. Ça coûte $15 pour une seule tasse. C'est bestmorningever.com. C'est un projet Kickstarter qui a réussi à ramasser son argent. J'espère. Ben, Colin! Hey, j'espère! Tu parles d'une bonne idée, toi! Vraiment. Best morning ever. Ensuite, est-ce que vous aimez le café frais fait assez pour pouvoir le faire dans une tasse pour emporter? Ouais. Donc, les gens transportent leur café chaud dans des tasses thermos depuis super longtemps, depuis que la compagnie existe. Mm-hmm. Mais il y a des puristes qui vont vous dire que le goût n'est pas pareil comme un café qui aurait été frais, fait là dans le moment. Ils n'ont pas réchauffé d'il y a... Dans le fond, qui est gardé au chaud depuis 4 heures. Donc, la Mojo, c'est pour ça qu'elle existe. C'est une tasse et en même temps, un système de torréfaction, mais pour faire son propre café contenu dans la tasse. Ça fait tout de A à Z. Donc, okay. La Mojo utilise un système qui s'appelle Vac Drip, qui combine des éléments du vacuum brewing et du drip brewing. Donc, le café par aspiration, suction, ou le café par égouttement. Oh. Donc, après avoir versé l'eau dans la chambre du centre de la tasse et avoir rempli le filtre réutilisable de grains de café, de grains moulus de café, vous allez allumer le Mojo par un bouton sur le côté. L'aimant va faire chauffer l'eau jusqu'à 200 degrés Fahrenheit ou 93 degrés Celsius, juste assez chaud pour faire une extraction correcte. Ensuite, la vapeur va pousser l'eau par un siphon par-dessus les grains moulus. Donc, ça va remplir la chambre du café avec donc du café frais, fait, mais très, très chaud. Ça prend environ 10 minutes à faire. On peut précharger la crème et le sucre ou l'ajouter après. C'est le fun de pouvoir le précharger quand on sait ce qu'on veut exactement. Donc, le Mojo est aussi une tasse de voyage. Donc, on peut boire directement dans la tasse. La compagnie vous vend des emballages de 3... C'est ça? De 3? Ouais. Non, c'est pour la batterie, ça. Des emballages de 3 batteries pour pouvoir continuer à en faire après l'utilisation de la première batterie. Le seul désavantage du système, c'est que pour pouvoir incorporer tout ça dans une petite tasse, on peut seulement faire 251 ml de vrai café. 8,5 onces liquide, c'est pas beaucoup. Non. C'est moins que ce qu'on boit habituellement dans un café classique. Mais bon, ceux qui veulent du café vraiment frais, $79, ils ont déjà ramassé leur argent sur Kickstarter. Il faut attendre jusqu'à mai 2016 pour en recevoir un. Mais quand même cool, le Mojo, M-O-J-O-E. C'est cool. Très cool. Est-ce qu'on en fait un dernier? Ouais. On y va avec le Popcorn On Demand. C'est un popper de popcorn qui garde les grains de popcorn à l'intérieur, les mesure et ensuite fait ressortir exactement la portion parfaite que vous voulez pour une collation santé sans beurre. Donc vous remplissez le compartiment à l'arrière de ce popper en acier inoxydable avec votre popcorn, vos grains de popcorn préférés. Vous appuyez sur le levier sur le côté pour automatiquement sortir une portion. On peut appuyer plusieurs fois pour faire de plus grandes portions. On va l'allumer ensuite pour faire du popcorn sans aucune huile de cuisson. Et là, quand on a terminé, il y a aussi un cycle de nettoyage qui va éjecter les grains qui n'ont pas été popés dans un petit tiroir à l'avant. Parfait pour vos soirées cinéma ou encore sur votre bureau au travail. Il y a une petite vidéo de démonstration sur assemblagerequis.com. C'est super cute, ça ressemble à une machine à café. On dirait que c'est des grains de café. C'est vrai, c'est vraiment cool. C'est des grains de popcorn. Et j'ai envie de faire ce dernier-là quand même. C'est un toaster en bambou avec une fenêtre de vitre pour voir vos rôtis se griller. Tu sais qu'on fait souvent griller ses toasts ou encore qu'on ne le fait pas assez cuire longtemps. Donc c'est le Bamboo and Glass Toaster par le designer James Stumpf qui est non seulement fabriqué à partir de vitre et de bambou, mais la fenêtre vous aide à garder l'œil sur votre pain. C'est un concept dans la série de Stumpf d'arté de cuisine sustainable, donc éco-équitable. Il y a aussi un mélangeur, donc un mixer et un blender de cuisine en bambou. Et sur le côté, il y a le petit En fait, c'est un concept, donc on peut pas l'acheter. Mais de toute façon, ça sert à rien de l'expliquer. Mais c'est fait en bambou. Et sur le côté, c'est vitré avec des éléments chauffants. Mm-hmm. Et sur l'autre côté, qui n'est pas vitré, il y a un petit compteur avec le degré de brunitude. Ouais. De brunâtrie. Que tu veux faire. Fait qu'on le voit. On le voit. Voilà, c'est tout pour Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Après la pause, je pense qu'on va passer à toi, Tania. Ouais, un petit peu de Tania is gonna take me pour qu'on puisse finir avec de la bouffe. Good. Ça veut dire finir... Finir! Mettons, là, on dit ça de même. On a un message pour vous dans une demi-heure environ. Un petit peu moins d'une... un petit peu moins d'une heure. Merci. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Requis, ce jeudi 24 mars 2016, elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plon. Oui. Il reste encore une heure à l'émission d'aujourd'hui avant Génie en Liberté qui s'en vient à 9h30. Pour l'instant, par contre, c'est le moment d'accueillir Tania Baudin. On fait là depuis le début de l'émission, mais on l'a en la nommant de long en large. Moi, je l'appelle Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant elle décolle. C'est Tania! And she's gonna entertain ya. Ta ta ta ta. Ça donne la fois, faut la faire. Ta ta ta ta ta ta ta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la En piste avec Tania Bourdin, on dirait que je suis comme toute excitée parce que ça fait vraiment longtemps qu'on genre a... deux mois maintenant? Ouais. Ben, tu sais, veux pas la saison morte, il se passe pas grand-chose. Puis là, tout d'un coup, bien, tout a recommencé. Ça se met en branle, on parle de courses automobiles de plus en plus, on en voit à la télévision. Alors, je me suis dit, pourquoi pas revenir avec une dernière première? Et voilà! Oh. Mais tu sais, on en parlera à la fin de la chronique, mais c'est pas la dernière fois qu'on va faire En piste avec Tania Baudin quand même. Exactement. Ouais. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi tout à l'heure, en plus, je vous parle de En piste avec Tania Baudin, parce que je me suis dit que ça faisait une belle continuité. Voilà! Alors, comme je vous disais, on entend de plus en plus parler de courses automobiles sur les réseaux sociaux ou encore sur les chaînes de télévision. C'est que pour plusieurs, les saisons de courses sont recommencées. Donc, la saison morte est terminée. En karting, on a eu le Florida Winter Tour qui vient tout juste de se terminer. On va recommencer justement les entraînements pour les courses d'été ici au Québec et au Canada. Mais du côté de la Floride, c'est maintenant fini. Donc, le fameux Florida Winter Tour, que ce soit pour le Rotax ou le Rock, ce qu'on appelle la saison le début de la saison pour nous, pour certains amateurs de courses automobiles, eh bien, sachez que c'est terminé. Et là, ça veut dire... Ça, là, ça veut dire que... Sentez-vous? Ça sent le tire! Ça commence à sentir les pneus qui brûlent un peu sur la piste. Ouais. Et j'ai quelques nouvelles, en fait. On va discuter comme ça de tout ce qui s'est passé dernièrement en course automobile parce que j'ai pas fait de En piste avec Tania Baudin depuis quelques temps. Donc hier, une bonne nouvelle qui est sortie sur les médias sociaux, à la télévision, dans les journaux, c'est pour le pilote québécois Michael Grenier, qui vient d'être signé pour une saison complète en Italie, en Porsche Carrera. Donc, de ce côté-là, Michael Grenier, on l'avait vu en Formule BMW. On l'avait déjà vu aussi faire un retour en karting la saison dernière. On cherchait vraiment à rester dans le monde de la course automobile parce que, veut pas, quand on est un pilote et qu'on souhaite et qu'on espère faire ça de notre carrière, mais on va toujours y baigner et on va toujours essayer de trouver un moyen de rester dans ce domaine-là. Donc, c'est ce qu'avait fait Michael l'année dernière en revenant un petit peu aux sources avec le karting. Mais cette année, durant l'hiver, on l'a vu aller faire quelques tests en Italie avec la série Porsche Carrera et il a été signé cette semaine avec l'équipe Tsunami Racing qui est l'équipe championne de l'année dernière dans cette série-là. Donc pour Michael, c'est de très bonnes nouvelles parce que c'est la première fois depuis le début de tous les temps dans sa carrière de course automobile. De tous les temps? Oui, de tous les temps. Depuis la préhistoire? Oui. Wow. De tous les temps de sa carrière en course automobile, disons-le, qu'il a plus à s'en soucier avec le fait de trouver l'argent pour la prochaine course. C'est fun, ça, c'est rassurant. Là, sa saison, elle est complète, elle est bonifiée comme ça. On l'envoie en Italie, les tests vont commencer bientôt. Il part la semaine prochaine. Donc déjà pour Michael, ça se met en branle, la saison devrait commencer dans quelques temps. On devrait peut-être aller en Italie. On devrait peut-être... vous allez comprendre tantôt. Puis c'est super parce que c'est un Québécois. Il y en a quelques-uns qui performent en Europe, dont je pense à Bruno Spengler, à Kuno Wittmer présentement en DTM. Il y en a quelques-uns et ça fait toujours chaud au cœur de voir un des nôtres partir pour l'Europe et de faire carrière en course automobile. Donc on lui lève notre chapeau tout simplement à Michael et on va suivre ça de très près dans l'émission En piste avec Tania Baudin. C'est un indice. Peut-être. C'était pas très subtil. Non, je sais. Moi, je suis subtil depuis le début, toi. Ouais, c'est ça. Exactement. Moi non, zéro. Du côté de NASCAR, eh bien, sachez-le, la série NASCAR Canadian Tire terminait son contrat la saison dernière. Donc, du moment que ça s'est terminé, on a dû comme avoir un moment d'attente à savoir où s'en allait la série, qui allait prendre les devants de la série. Eh bien, sachez maintenant que ça s'appelle NASCAR Pinty's Series. C'est quoi Pinty's? C'est les fameuses ailes de poulet Pinty's. Ah! Oui! Pinty's! Je vais aller googler ça tout de suite. Oui. Pinty's! Ben oui, je sens que tout d'un coup, tu vas t'intéresser à la course automobile, Mathieu. S'il y a des ailes de poulet sur les chars. Ben, il devrait en avoir dans les bandes annonces, en tout cas, ben ça, oui, c'est sûr. Une courseuse? Oui, exactement. Automobile sur le dessus de... C'est ça. Web. Oui. Quand la saison. Bien. Ben ouais. Ça va bon. NASCAR Pinty Series, c'est la nouvelle NASCAR Canadian Tire. En fait, sachez-le, c'est le nouveau... comment pourrais-je dire? Pas commanditaire, partenaire ouais, en partenaire. Chef avec la série. Moi, j'avais jamais entendu ce nom-là, donc sûrement ça va les mettre sur la map. Ben oui, il était connu plutôt pour être déjà partenaire avec un grand championnat de curling. Ah, d'accord. Il était connu aussi dans d'autres sphères sportives, mais là, vraiment, on s'attaque au NASCAR Canada. Yeah. Pour NASCAR canadienne, justement, eh bien, sachez que Gary Clute, qui a été déclaré recrue de l'année dernière, va faire la saison complète cette année. Il revient à la charge. Il se dit... prêt. Donc, de ce côté-là, on a vraiment très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. On a vu l'année dernière que ça jouait quand même dur du coude en piste avec certaines recrues. Donc, de ce côté-là, ça va être intéressant à garder en œil si les pilotes recrues ont su se calmer un petit peu, s'ils vont se freiner eux-mêmes ou bien si on va vraiment y aller avec la même agressivité et si on va y aller de façon, disons-le, old school. S'ils vont y aller vraiment le tout pour le tout, parce que l'année dernière, ça l'a quand même fait jaser. Le Québécois Alex Labbé aussi va être de retour cette année pour une saison complète. Donc, de ce côté-là, on est vraiment très, très content de voir de plus en plus de Québécois arriver à faire la saison complète. Il y a non seulement Alex Labbé, mais aussi Kevin Lacroix, qui était une des recrues la saison dernière, qu'on a déjà vu dans plusieurs séries de monoplace, qui revient en NASCAR cette année avec une saison complète pour lui aussi. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ces pilotes-là avec beaucoup, beaucoup d'expérience déjà, pouvoir arriver à faire une saison complète en NASCAR Canada. Parce que de ce côté-là, on le sait que côté monétaire, c'est difficile parfois. Mais aussi, côté sportif, c'est que si on fait pas tous les événements, ça nous enlève des points veut-veut pas au championnat. Donc, de ce côté-là, c'est un petit peu plus difficile de performer pour le championnat. Alors, quand on a l'opportunité et la chance d'avoir une saison complète, bien, c'est sûr que c'est toujours mieux pour les pilotes qui se retrouvent en piste. Du côté encore de NASCAR Canada, cette année, on va faire un retour à Toronto, cette fameuse grosse course qui se place au Exhibition Place, au centre-ville de Toronto. On a vu du Indy se faire là-bas. Il y a plusieurs séries de courses automobiles, Indy Light, IndyCar, ChemCar y allait dans le temps. Donc, NASCAR fait vraiment son retour en plein centre-ville de Toronto et ça va être super intéressant de voir ça avec justement le nouvel engouement autour de NASCAR Pinty's. On voit de plus en plus de publicités sortir pour NASCAR. On sent que ça se met en branle de ce côté-là. On prépare la saison. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner du côté de Toronto. J'espère surtout que les gens vont être au rendez-vous parce que depuis quelques années, ce que l'on pouvait voir avec les événements qui se passaient en monoplace à Toronto, c'est qu'on avait comme une espèce de déclin des spectateurs qui venaient. On avait aussi peut-être un manque d'intérêt pour l'emplacement. Donc, de ramener NASCAR, j'ai hâte de voir quelle sorte de gens vont être là et j'ai aussi hâte de voir comment longue la ligne des puits est. Ah. pour le calendrier de la saison, eh bien, sachez qu'en théorie, il y a 12 courses de coulée dans le béton. Donc, 12 week-ends où la série NASCAR va être sur la route. Mais depuis hier, on aurait peut-être une 13e course qui se passerait à Avondale au Newfoundland. Ça vient d'être annoncé... Wow, comme la petite maison dans la prairie, là. Oui. Ça vient d'être annoncé hier. C'est pas nécessairement la série NASCAR Canada. Ça en fait un peu partie. On a vu Alex Nagy parler à CBC de, justement, cette venue-là à Newfoundland. Donc, on va pouvoir aussi garder ça en tête et regarder l'engouement qu'il y a du côté de Newfoundland pour la série NASCAR. Côté monoplace, je viens de parler de gros chars durs, lourds, et là, on va parler un petit peu plus léger. Pas vraiment léger, mais... Avec la petite voix que t'as pris là, t'as l'air d'avoir moins de respect. Les petits légers, Non. Pas les petits légers, mais peut-être les gens qui sont à prendre un petit peu plus avec la pincette, faut voir. Okay. On va parler de Formule 1, tout simplement. Bon. La saison vient de recommencer. Ça fait beaucoup parler. Déjà, en partant l'année dernière, la saison s'est terminée comme un petit peu en queue de poisson. Je veux pas dire en queue de poisson, mais... Une saison qui se termine en queue de poisson, je sais pas de quoi tu parles. Mais ça a été quand même très difficile côté sécurité. La série Formule 1 a fait beaucoup, beaucoup parler. On disait que les voitures étaient plus du tout sécuritaires pour les pilotes. On a parlé de changer les voitures. On fait des changements du côté des voitures pour que ça soit vraiment plus sécuritaire. Lorsqu'il y a un accident en piste, on met plus nécessairement une voiture de sécurité, justement, en piste. On va y aller avec une voiture de sécurité virtuelle pour que ça empêche les accrochages entre les pilotes. On va vraiment modérer la vitesse des gars en piste, ça c'est sûr. Par contre, on verra plus cette fameuse voiture de tête-là qui gère le peloton parce que certains trouvaient que c'était peut-être un petit peu trop dangereux de mettre une voiture qui va pas nécessairement à la même vitesse que des Formule 1 en piste pour pouvoir les diriger. Donc, on y va vraiment avec des écrans en bord de piste qui disent véhicule de sécurité, safety car. On appelle ça le safety car fantôme. Donc, il est là, il est pas en piste, mais vraiment, les gars doivent savoir qu'ils doivent ralentir. Et c'est vraiment juste pour pouvoir, en quelque sorte, arriver à faire les modifications à la suite de l'accident le plus rapidement possible et relancer la piste, la course sans devoir faire 1000 millions de tours sur la voiture de tête, tout simplement. La dernière course, on a eu un exemple incroyable de la sécurité qu'on peut avoir en Formule 1 avec les nouvelles voitures. Et c'est l'accident de Fernando Alonso qui a beaucoup fait parler. Fernando Alonso a lui-même dit qu'il était sorti très rapidement de la voiture simplement parce que sa mère regarde les courses à la télévision et il voulait qu'elle sache qu'il était correct. Oh. C'est sûr qu'il boitait un petit peu. Il faut comprendre, ça s'est passé de façon très rapidement. C'est pas une erreur de pilotage ou quoi que ce soit. C'est vraiment un accrochage entre deux voitures. Et la voiture de Fernando Alonso est partie en vrille dans les airs. Elle est complètement démolie. Il y a eu plusieurs photos sur les réseaux sociaux. Il y a les vidéos aussi qui sont sorties sur Internet et on peut voir vraiment que ça aurait pu être beaucoup plus problématique que ce que ça l'a été. Il y a plusieurs journaux en Europe qui ont dit que Fernando Alonso avait tout simplement été miraculé du fait qu'il n'y avait absolument rien à la suite de cet accident-là, parce qu'il faut savoir, ça l'a cogné dur, ça l'a tourné longtemps dans les airs et ça l'a atterri de façon vraiment très, très dangereuse. Donc, de ce côté-là, les changements qu'on a pu faire sur les voitures, on le voit dès maintenant que c'est peut-être justement plus sécuritaire que ce que c'était la saison dernière. Les prédictions pour la Formule 1, je pense que c'est un incontournable. On doit faire des prédictions. La saison dernière, c'est Lewis Hamilton qui a encore gagné le championnat. J'ai comme l'impression que ça va être très, très, très serré entre Hamilton et Rosberg encore une fois cette année. Mais Vettel et Ferrari viennent vraiment se replacer dans les maps, dans les résultats. On a pu voir cette fin de semaine où Vettel était troisième, Hamilton deuxième et Rosberg premier. Rosberg et Hamilton, tous deux de l'écurie Mercedes. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec Ferrari et Mercedes. On le sait, ça a toujours été une grosse, grosse, pas chicane, là, mais quand même... une rivalité, disons-le comme ça. Puis j'ai hâte de voir si Ferrari et Sébastien Vettel vont pouvoir arriver à être peut-être meilleurs que l'année dernière. Souhaitons-le. Il y a les pilotes de course en Formule 1 qui se sont adressés récemment dans une lettre, en fait hier dans une lettre, aux hauts dirigeants de la Formule 1 qu'il devait y avoir de grands changements de la façon que la course était gérée, de la façon qu'on gérait maintenant les événements. On le sait, c'est difficile côté économique en Formule 1 maintenant, que ce soit pour les médias, que ce soit pour les changements que l'on fait sur les voitures. Les pilotes disent, on veut courser, on veut que ça soit sécuritaire, mais arrêtez vraiment de nous vider les poches ou de compromettre le futur de la course automobile avec vos niaiseries. C'est, bon. Si on résume la lettre comme ça, là, ouais. c'est vraiment ce que ça voulait dire. Et où est-ce qu'on va pouvoir suivre tout ça? Bien, sachez qu'on va pouvoir le suivre peut-être un petit peu plus facilement ici au Canada, on ne sait pas. Parce que Nicolas Latifi, qui est un pilote canadien, vient d'être signé pilote d'essai pour l'écurie Renault. C'est super, honnêtement, on ne s'attendait pas à voir un Canadien arriver si rapidement en course automobile en Formule 1, disons-le. Il est allé en Europe il y a quelques années, il est parti pour l'Europe il y a quelques années faire de la course automobile, améliorer sa conduite, tout ça. Et récemment, on a su qu'il venait d'être signé avec Renault pour justement pilote d'essai. Dans l'émission En piste avec Tania Bourdin, j'ai déjà discuté qu'est-ce qu'était un pilote d'essai. J'en ai discuté aussi dans le segment En piste avec Tania Bourdin parce qu'il y avait une femme qui était simplement pilote d'essai. C'est vraiment le pilote qui va aider les ingénieurs et l'équipe à modifier la voiture et à apporter des améliorations pour le pilote qui va prendre place durant la fin de semaine dans le véhicule et qui va lui-même conduire. Bien évidemment, c'est rare qu'on va voir le pilote d'essai à sa première année participer à des Grands Prix. C'est vraiment plus lorsqu'on retourne à la maison, lorsque les écuries retournent à la maison la semaine, on va faire des améliorations à la suite de ce qui s'est passé durant le week-end. Si jamais, je sais pas, Mercedes, qui est habitué quand même d'être dans les voitures de tête, se ramasse en milieu de peloton pour X raisons, on va vraiment essayer de mettre le pilote d'essai dans la voiture et de pouvoir améliorer ce qui se passe avec le véhicule, voir peut-être est-ce que c'est tout simplement un changement de direction ou peu importe, qu'est-ce qui se passe avec ça. Donc, le pilote d'essai est vraiment très, très important, mais ça prend quelques années, parfois, avant de le voir sur la grille de départ au Grand Prix, que ce soit n'importe où. Ça prend quelques temps. Il faut lui laisser son temps, il faut lui laisser faire ses preuves en Formule 1, mais on est très content de voir un Canadien parmi les pilotes de Formule 1. Où est-ce qu'on va suivre ça, tous ces événements de course-là? Sachez-le, Pole Position a changé son site Internet, a changé sa page Facebook récemment. C'est un des magazines les plus lus au Québec en question de course automobile, en question de référence aussi. Donc, allez faire un tour là-dessus, poleposition.ca, que ce soit pour le nouveau site Internet ou la page Facebook. On voit vraiment l'engouement autour de Pole Position ressortir de plus en plus. On poste des articles quasiment à chaque jour maintenant. Donc, il y a vraiment un roulement de ce côté-là et on devrait avoir toutes les informations que l'on souhaite recevoir de ce côté-là. Il y a aussi motorsport.fr ou sport motorisé, disons-le comme ça, .fr, qui vient de sortir la nouvelle bannière française, québécoise en fait, et canadienne. Donc, on avait l'européenne, on avait l'américaine qui se produit aux États-Unis, mais là, on vient vraiment d'avoir la nôtre ici, au Canada et au Québec. L'éditeur en chef est un Québécois, René Fagnan, qui est un journaliste de sport automobile depuis nombreuses années. Restez à l'affût de ça, vous allez voir, là aussi, il va y avoir de plus en plus de roulements. Ça l'a déjà commencé, ils étaient à Sebring en fin de semaine pour une série qui se produisait là-bas, un 24 heures qui se produisait là-bas. Et sachez que ça va être sur le même site Internet que la filière française-européenne. C'est simplement que ça va être indiqué Canada au bas de l'article. Donc, faites attention si jamais vous voulez vraiment juste les articles canadiens. Faites une petite recherche, puis ça va être super facile à trouver. Et aussi, il est en piste avec Tania Bourdin, qui va être de retour, je l'annonce, là, qui va être de retour sur les ondes de CIFU 89.1 FM. Mais aussi, petite nuance cette année, on va peut-être essayer d'y aller plus vidéo aussi, lorsque moi-même j'irai aux courses automobiles, aux différents événements de course, eh bien, je tenterai vraiment de vous amener avec moi et de le mettre sur le web. Donc, de ce côté-là, on va avoir la portion radio le lundi, si ça ne change pas pour la case horaire. Jour et heure à déterminer. Oui, c'est ça, jour et heure à déterminer. Je vous tiendrai au courant sur les médias sociaux. Puis aussi, justement, du côté web, web-série, entrevue avec pilote, puis tout ça, eh bien, peut-être que ça se retrouvera sur les internets, comme ils disent, sur page YouTube, page Facebook. C'est Baudin.tv. Donc, de ce côté-là, on va vraiment essayer d'y aller un petit peu plus fort sur... sur le vidéo et sur la télévision web. Le social aussi, tu sais. Le social. Social. Voilà. T'es bonne pour ça, toi. Madame Marketing. Un peu. Tania Baudin. merci pour ta chronique en piste. Ça fait plaisir. D'aujourd'hui. Et pour Tania Esgalin-Tutinia qui entoure tout ça. C'est la dernière chronique de la saison. On en parlera tout à l'heure aussi. Mm-hmm. On a plein de choses à vous dire dans une demi-heure environ. Pour l'instant, j'ai envie d'écouter une pièce que tu nous as fait entendre dans une récente chronique. C'est celle de Tookie Monsta. Oui. Envie d'écouter ça? C'est fun. Tookie Monsta featuring Anderson Peak et KRNE. Tout de suite. Voici Put It Down à Sondage Rocky. Tu mousses ça, ce chronique, là. Put It Down. Ah, Put It Down. Look how the people gather round when you finally came up. Boy, you came up, put it down for 'em. You made the city so proud of you, boy, you came up. Boy, you came up, put it down for anybody who ever doubted you. They gotta pay up, put it down for 'em. Still with you day once, can't forget where you came from, put it down for 'em. Boy, you came up, put it down for 'em. Boy, you came up, boy, you came up, put it down for 'em. Put it down for 'em. You make the city so proud. Put It Down, Tookie Monsta featuring Anderson Paak et KRNE. Assemblage requis. Au retour de la pause, c'est une grosse pointe dans le brasier! Assemblage requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage requis, ce jeudi 24 mars 2016, c'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Il reste une petite dernière demi-heure avant Génie en liberté et avant plein d'autres choses qu'on aurait annoncées dans une demi-heure. Pour l'instant, on tient sa mort, Colin. Mm-hmm. Mais pour notre dernière demi-heure, on s'est dit, à place de faire la chronique à 8h30, on va la faire à 9h pour terminer avec ça. C'est le moment de goûter à des choses dans le commerce, en magasin, en dépanneur. Voici une grosse pointe tendresse. C'est une grosse pointe d'adresse, c'est la grille dans laquelle on goûte à un produit du marché, un produit qu'on ne devrait pas acheter, en fait de la malbouffe, comme on appelle dans le domaine. Mm-hmm. C'est ça qu'on fait à cette chronique-là. Donc, on a plein d'articles, de nouvelles à se faire tout à l'heure, en fin de chronique. Mais avant ça, comme on le fait toujours, c'est qu'on goûte directement au produit sans plus attendre, c'est ce qu'on veut faire. Donc, aujourd'hui, je te présente, Tania, oui. Peut-être pour la première fois de ta vie, quelque chose d'énorme. Mais... je sais pas si t'as déjà vu aussi gros, excuse-moi, c'est une blague. C'est terrible. Je sais bien. Je peux pas croire que c'est de ça. C'est très, très large, très plate, mais très très long aussi. C'est une Kit Kat. Je m'abstiendrai de tout commentaire. Non, c'est la Kit Kat biscuit et crème qu'on a vu se promener dans les magasins, en tout cas depuis les dernières semaines. C'est partout, on n'arrête pas de voir les étalages. Oui. Il y a différentes saveurs. Les barres sont super chères. C'est comme 5-6$ par barre. Je l'ai acheté dans une pharmacie. Wow. En spécial, j'ai pu acheter seulement une seule sorte de chocolat. Je sais qu'il y en avait plusieurs autres. Il me semble qu'il y avait... Louis-Philippe, si tu veux venir goûter, tu peux t'asseoir. Je pense que le symbole est assez clair. Salut Louis-Philippe! C'est ça, Louis-Philippe, Quentin. L'habitude de la phrase « Salut Louis-Philippe » en onde, même oui. Quand il n'est pas... quand il participe à l'émission, on aime ça l'accueillir. Parce qu'on aime ça. On veut pas on aime comme... saluer Louis-Philippe quand il n'est pas là. T'as un pas... cheveu sur la soupe, les amis. C'est ben, un long cheveu blond sur la soupe. T'sais, soyeux, là, son propre. Très soyeux. Oh, soyeux. C'est un hippie. On l'appelle Louis-Philippe. Est-ce que t'as déjà entendu ça? Oui, il y a à peu près deux secondes, j'ai entendu. Avoue que c'est pas la meilleure, hein? Hey! Et même très bonne! Ouais, t'es bonne. Bon, j'ai vu qu'il y avait d'autres saveurs de Kit Kat, version grosse barre à partager. Il me semble qu'il y en avait une à la menthe. Je sais que t'aimes ça la menthe, mais malheureusement, j'ai acheté la barre après qu'on ait su que c'était Colin, notre dernière émission de la saison. Ouais, c'est correct. Donc, je l'ai acheté avant ça et c'est celle au biscuit et crème, donc on va tous goûter à ça et je pense que c'est assez pour la partager. Je pense aussi. D'après moi. Allons-y en termes de grandeur, là. C'est la grosseur de iPhone 6S Plus. Un petit peu plus gros. Et plus gros. Un peu plus gros. Un petit peu plus gros. C'est la grandeur de... Qu'est-ce qu'il y a rien qui est aussi gros que ça dans la vie. Non. C'est que je peux dire à la radio. C'est comme une mini-tablette. C'est ça. Une mini-tablette. Ben, une mini-tablette électronique. OK, et c'était pas clair. Est-ce ça, que la KitKat est tactile? C'est ça, c'est un KitKat mini, exactement. Ça vient avec iOS 9. Donc, non, c'est ça, c'est une énorme KitKat. Je vais vous dire, peut-être un décimètre de large par peut-être au moins 2,5 décimètres de haut. Donc, je dirais peut-être 25 cm, peut-être même un. Et c'est ça, donc, biscuit et crème, 170 grammes. On nous dit de manger deux morceaux. Je sais pas si deux morceaux veut dire deux petits rectangles parce que c'est imprimé un petit peu par-dessus. Je pense que c'est parce qu'elle a été pas un petit peu réchaud. Je pense qu'elle était réchauffée. Il me semble que j'ai mis quelque chose d'un petit peu chaud dessus quand je suis allé à quelque part. Mais bon, en tant que telle, elle n'est pas fondue, mais on voit les démarcations des morceaux. Donc, c'est sûrement par deux morceaux de très ça. Très important pour les auditeurs mais je sais. Connaître cette information-là. Mais c'est ça que les gens veulent, l'assemblage requis. Tu connais pas ça. tu connais rien dans ton monde de journalisme. Donc, une irrésistible barre Kit Kat biscuits et crème pour une expérience chocolatée que vous pouvez partager. C'est par Nestlé. Ça dit partager une pause. La Kit Kat biscuits et crème est idéale pour le partage avec vos proches. Donc, ne pas partager des gens que vous connaissez pas. Ah, c'est ça l'important. Parce qu'on sait pas si on peut être allergique à une des composantes de ça, d'où le fait que c'est mieux de pas la partager avec eux. C'est ça, on sait pas, peut-être que le produit chaud a réussi à passer à travers le... Ne vous montrez pas généreux envers les inconnus. C'est ça. C'est ce que ça dit, finalement. Il y a une question que je me pose, moi, avec cette barre-là, c'est croyez-vous que Kit Kat a dû payer des droits d'auteur à Oreo? Ouh! Ben, les droits d'auteur, ça doit pas être droit d'auteur, le mot. Là, parce que les Oreo sont bons, mais c'est peut-être pas une œuvre. Le copyright. Mais est-ce que c'est marqué Oreo? Non, c'est ça, c'est marqué biscuit crème. À la crème. Mais tu vois que le biscuit en dessous de l'emballage ressemble étrangement à un biscuit. Qu'est-ce qui est écrit sur le biscuit? Rien. D'après moi, ils l'ont photoshopé, c'est un faux biscuit, peut-être. Je sais pas. Pas de Oreo. Pas de Oreo. C'est marqué, c'est le Coco Plan de Nestlé. Nous soutenons les producteurs afin d'obtenir un meilleur chocolat. Le Nestlé Coco Plan collabore avec Oots Certified afin d'améliorer les conditions de vie des cultivateurs de cacao et la qualité de leurs produits. Ah, tu vois, ils sont gentils. Fait qu'à la place, ils payent 15 cents, ils payent 25 cents. Au moins, par ça jour. Ça semble quelque chose comme ça. C'est bon, il y a du non-dit sur, sur cette Kit Kat-là. C'est bon jusqu'en décembre 2016, donc on est encore correct. Et le même slogan reste, donc faites la pause Kit Kat ou have a break, have a Kit Kat. Break est un jeu de mots avec cassé du chocolat. C'est tellement beau. Je la flatte, là, puis j'ai hâte de la manger. Mais il faudrait que tu arrêtes de la flatter, sinon ça va. T'as raison, la chaleur. Déjà, je me suis mis le. Non, excuse-moi, j'ai mis un produit dessus. Non, okay, c'est une blague. T'as dit, je savais que t'allais. Ah oui, j'ai mangé de quoi de vraiment bon hier. C'était quoi? Loin de la Kit Kat, cependant. J'étais allé au Frida. Oui, ben, comme toujours. Si vous cherchez Louis-Philippe Cordet dans la vie, cherchez le gars aux cheveux longs blonds. Au Café Frida. Au Café Frida. Avec des lunettes de Louis-Philippe. Louis-Philippe-ster. Oh! Louis-Philippe-ster. Ouais, j'étais allé manger là-bas. Oui. Puis j'ai mangé, c'était une assiette méditerranéenne avec plein de légumes, du pain, mais également une espèce de mix de riz enroulé dans des feuilles de vigne cuites. Oh. Puis on mangeait les feuilles de vigne. Okay. Ça sonnait, j'avais l'impression d'être un grec dans l'Antiquité. C'était incroyable. T'étais tellement grec que t'avais l'impression de perdre tout l'argent que t'avais. Ce qui était pas loin de la vérité. Mais je portais une toge aussi. Aussi? Ça fait, ben, tu sais, pas une toge, mais une espèce de truc là, qui passe là, en dessous de l'épaule, là. Blanc. Genre de toge de philosophe. Une toge, toge de philosophe grec. C'est deux seuls mots, je pense. En fait. Ouais. Bref, est-ce qu'on goûte à la Nestlé Kit Kat avant d'aller chez Frida tous ensemble? Je portais pas réellement une toge, là, c'est une blague. Non. Elle est tellement lourde, hein? Elle est vraiment lourde. C'est ça. Donc, le micro magique nous attend pour ouvrir la Kit Kat et Biscuit Cup. Je vais mettre les écouteurs. Oui, c'est ça, faut entendre là, quand même. Est-ce que tu savais que tu. Décoller pour ouvrir, partager et refermer. Oh, c'est collant, l'ouverture est collante. Ça veut dire que ça me donne un autre challenge de plus pour l'ouvrir correctement. Faut dire que le dessus est collant aussi parce que je me suis mis le... Hey, je l'ai. Hein? Je l'ai. Oui. Je l'ai, les amis, écoutez ça. Je sais pas qui avait ces écouteurs-là avant, mais il avait clairement une tête plus grosse que la mienne. Notre invité de 7h30 tantôt. Est-ce que je l'ouvre au complet? Ben, si c'est refermable. Sinon, vous passerez par le studio, il va avoir du chocolat. Hey, pour l'information des auditeurs ici, la Kit Kat est marbrée, en fait. Ouais, parce que là, le dessous est brun de façon normale. Et là, attention, je vais tourner la Kit Kat. Oh! C'est une pièce d'homme, ce soir. C'est un frigidaire. C'est... Il y a vraiment eu un fondu ici, on le sent. Le milieu on le voit. Mathieu a dû frotter sa Kit Kat fort. je vais briser des petits morceaux. Hey, des petits morceaux, ça pas. Vous avez rien entendu en fait parce que ça se brise vraiment bien, c'est somptueux. Ah, voilà, vous venez d'entendre. Un pour Louis-Philippe, un pour Tania. Puis Mathieu, je te repasse la barre de chocolat pour que tu puisses t'en couper un toi-même. Un morceau pour Louis-Philippe, un morceau pour Tania et toute la barre. Bonjour Mathieu. C'est ça ressemble à ça. Merci pour le grand service, Tania, de même pas m'avoir coupé de morceau. Ça fait plaisir. OK. Et moi, j'ai cassé en deux un morceau. Je vais pouvoir prendre une bouchée de demi-demi-bain. Voilà. Je viens de brosser les dents. On va voir ce que ça donne. Je vais avoir une expérience. Est-ce que le petit feuilleté de la Kit Kat originale est toujours à l'intérieur? Oh, c'est ce qu'on va voir. Il est à l'intérieur. Il a l'air chocolaté. Est-ce que l'odeur sent les biscuits crème? Est-ce que ça sent l'Oreo? Ben, ça sent les Kit Kat. Pas vraiment. Ça sent les fameuses barres là, aux biscuits crème, justement. Oui, absolument. Absolument. On goûte? Go. Ça goûte la Kit Kat. On dirait que je goûte pas le biscuit crème. Une chance c'est là, Louis-Philippe, pour nous faire entendre ça. Moi, j'adore les bruits de bouche. C'est bon? Mm-hmm. Mm. Ça goûte drôlement à Kit Kat. Ouais, vraiment. Ça goûte vraiment à Kit Kat. Je goûte pas vraiment le biscuit crème. Il y a un petit fond là, de crème. Hey, c'est qui ça? C'est à partager en groupe, là. Come on. Mange le chocolat avec nous. Un bout de Kit Kat, là. Oui, comme je sais pas ce qui se passe. On a une nouvelle invitée en studio. On le connaît pas, mais tu sais, hey, ça disait de pas partager avec des inconnus. Des inconnus trop tard. Ouais, mais Louis-Philippe, il connaît. Faut appeler Nestlé. Ok, tu le connais, c'est correct. Oui. Parce que marqué spécifiquement, sinon il l'aurait pas écrit. Ça annonce par contre que je m'en vais chercher du café après avoir déjeuné à Kit Kat. Un verre, bon. Mais ça goûte pas le biscuit crème. Non, vraiment pas. Je trouve ça raté un peu. Je me demande si la version crème est meilleure. Menthe. Je suis persuadée. Mais c'est bon. C'est bon. C'est bon, ouais. Et pour une grande Kit Kat, il l'a en version originale. Tant qu'il attache la version originale, tu peux varier un peu. Ouais, c'est vrai. Mais comme je dis, c'est très cher. C'est un genre de 5-6$ pour la barre. Yep. Mais elle est très grosse, là, la barre. Là. Comme, achetez pas cette barre-là pour faire des cadeaux à l'Halloween. Là. Non, c'est comme prenez, pour l'imaginer, prenez une Kit Kat normale, mettez-la sur le côté. Et ajoutez-en, empilez-en comme plusieurs de suite. Il y en a comme, je pense, il y a peut-être 10 bâtons environ, peut-être une douzaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, facilement 10. Si c'est pas 12. Si c'est pas 12, exactement. Maintenant, nouvelle de fast-food. On remercie encore une fois Louis-Philippe pour sa participation à l'émission aujourd'hui. Donc, 7-Eleven va offrir un nouveau beignet au Slurpee. Tu connais les Slurpees, c'est des slush aux États-Unis. Chez 7-Eleven. Donc, si vous voulez un beignet à saveur de Slurpee, pour aller avec votre gros bol de Slurpee, parce que on va parler tantôt, je crois, dans la chronique, il me semble que c'est dans ce que j'avais préparé, mais il y avait on pouvait aller chez 7-Eleven pour acheter pour acheter de la slush dans un gros contenant. Attends, je vais en parler tout de suite, tant qu'à faire, il y a le lien. On pouvait amener n'importe quel contenant, peu importe la grandeur, autant que ça entre dans les machines, entre un comptoir et la machine. Tu pouvais remplir, mettons, un crock-pot de slush, tu pouvais remplir une casquette, un chapeau de construction, un seau de peu importe, de la quantité de slush que tu voulais. Pour 1$, 1,50$ dans les 7-Eleven participants. Ça s'appelait le Bring Your Own Cup Day. C'était vendredi et samedi, les 18 et 19 mars dernier. Donc vraiment cool comme idée. Mais tout ça pour dire que donc le beigne est un beigne de style gâteau, avec un glaçage à la saveur de cerise sauvage et des cristaux de sucre pour donner un peu un croustillant, un peu comme de la slush. À l'intérieur, le beigne a des petits morceaux de rose. On peut aussi... qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu veux d'autres Kit Kat? C'est ça que tu veux, hein? Tu veux d'autres Kit Kat, hein? J'essayais de pas marcher dans le micro. Ah, ok, c'est fait. Donc, on peut trouver le beigne chez 7-Eleven pour 99 cents chaque. Et on peut évidemment le tremper dans son Slurpee, c'est l'idée de la chose. Peut-être qu'il va y avoir un Slurpee à saveur de beigne. Mmh! On se la demande. On se la demande. Inverser les choses. Ensuite, un petit spotted. C'était pourquoi est-ce que j'avais choisi ça? Oui, tiens, tu te rappelles les bottle caps? C'était des bonbons en forme de bouchons de bière. Oui, de liqueur, oui. Et les Spree, qui étaient des genres de petits bonbons à la Smarties, mais durs. Oui. Et les Runs, qui étaient des fruits en bonbons, donc des bananes, des fraises. Bon. Maintenant, ils sont de retour avec leur emballage du moment, dans le temps. Ça s'appelle les Throwback Runs, malade. Bottle caps et Spree Candy. Qui sont disponibles en magasin aux États-Unis en ce moment. On les a vus chez H-E-B et Big Lots. Ça va sûrement arriver à un moment donné ailleurs. Aussi des Sweet Tarts. Sweet Tarts, il me semble, moi en tout cas, j'ai déjà vu des Sweet Tarts à quelque part dans ma vie. Ouais. C'est des petits bonbons mâchouillants en rond. Donc, avec l'ancien emballage, je trouve ça vraiment cool comme idée. Pizza Hut qui amène les ailes de poulet barbecue au Jim Beam Bourbon. Donc les ailes de poulet Wing Street avec et sans leur intérieur. Il y a des ailes de poulet qui n'ont pas d'os à l'intérieur qui sont ma foi absolument délicieuses. Donc une nouvelle édition limitée, sauce bourbon épicé, Jim Beam Devil Scott Spicy Bourbon Barbecue Sauce. La sauce a gagné la première place de la catégorie Creative Barbecue au National Buffalo Wing Festival de Buffalo, New York. Quand même. C'est pas rien du tout pendant le test du produit. La chaîne de pizza a aussi deux nouveaux Spice Rubs qu'on peut faire mettre sur des ailes de poulet normales ou même avec sauce, Cajun Style et Ranch. Le ranch n'est pas épicé, mais le Cajun Style a un 2 sur 4 flammes sur le site de Pizza Hut par rapport à au piquant. Et la Spicy Bourbon Barbecue Sauce est un 3 sur 4 côté piquantitude. Donc, c'est disponible avec des frites aussi. Le Dry Rub, on peut prendre la petite poudre à aile de poulet sur des frites chez Pizza Hut. C'est pas délicieux, ça. Ça a l'air vraiment bon. J'aimerais tellement goûter à ces ailes de poulet-là. Un autre spotted, mais cette fois-ci, et c'est rare qu'on fait ça, donc je le précise à chaque fois, mais spotted au Canada, c'est Christy Oreo Red Velvet Frozen Dessert. C'est de la crème glacée Oreo, mais ouais. au Red Velvet. Ah! Il n'y a pas de morceau de Red Velvet dedans, c'est seulement à saveur de le Red Velvet, avec beaucoup de morceaux de Oreo à l'intérieur, évidemment, parce que c'est de la crème glacée Oreo. Donc, c'est cool, mais c'est pas aussi cool que ça aurait pu être. Tu sais, c'est pas juste marqué « Lots of Oreo cookie pieces » sur l'emballage, c'est vraiment marqué « Lots and lots ». Fait qu'attendez-vous à beaucoup et beaucoup d'Oreo. Ils vendent ça, là, on serait vraiment déçus si on n'avait pas assez. Ça, c'est comme quand ils disent « Beaucoup de petites cerises dans la salade de fruits, puis tu l'ouvres, puis il y en a une. » Ça, là, ça me frappe, j'avoue. C'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps marqué plein de cerises. Hey, soyez honnête dans votre marketing. Oui. Fausse représentation. Starbucks offre, je me rappelle jamais, le cherry blossom, c'est supposé être quoi? Le terme en Asie, qui est très, très populaire. On en parle quand même fréquemment à Saint-Afrique. C'est fleur de quelque chose. Fleur de cerisier, c'est pas... Fleur de cerisier, exactement. Boum! Ça, bravo. On l'avait déjà dit, là, c'est pour ça que j'avais déjà cherché, puis je l'ai retenu, parce que c'est une meilleure mémoire. Non, c'est parce qu'il y a beaucoup de savons qui sont à cette odeur. T'as raison. C'est vraiment à la mode en ce moment. Donc, inspiré par la tradition japonaise et de regarder donc les fleurs de cerisier pousser à ce moment-ci de l'année, Starbucks offre une version de son frappuccino Cherry Blossom seulement aux États-Unis, seulement jusqu'à récemment. Je crois que c'est déjà terminé, c'était jusqu'à dimanche dernier. Donc, la boisson avait des fraises, du chocolat, sauce au chocolat, blanc, et sauce de fraises mélangée avec de la glace, du lait et du matcha, donc un petit drizzle de thé vert. Avec un petit peu de crème fouettée et un sprinkle de matcha sur le dessus. Donc, le frappuccino à la fleur de cerisier était dans les Starbucks participants aux États-Unis jusqu'au 20 mars, qui était le premier jour de l'année. Les boissons thématiques au sakura, ce qu'on appelle au Japon, donc le cherry blossom ou la fleur de cerisier. C'est un peu comme le pumpkin spice latte au Japon. Il y en a dans absolument tout depuis comme 2010. Ensuite, un autre spotted on shelves, mais aux États-Unis, qui j'espère va arriver au Canada un jour. Tu te rappelles peut-être d'avoir goûté au Sprite Tropical Mix. C'était une version de Sprite qui est un petit peu plus tropicale, un petit peu plus différents agrumes, différents fruits. Mm-hmm. Ça goûtait très, très estival. Il y avait ça au Canada pendant un bout de temps. Donc, l'année ça passée... Ça n'a pas resté longtemps, par contre. Il n'y a rien qui reste longtemps au Canada. Ouais, parce vu que comme ça. Les gens achètent toujours juste leur petit Coke normal. C'est vrai. Hein? On est plate en maudit au Canada. donc, Coca-Cola, l'année passée, a ramené son Sprite Tropical Remix. Pour une fois que je chiale contre le Canada. Là, ouais, c'est vrai. Hein? Au du Québec, là. Donc, c'est disponible, c'était seulement disponible dans le sud-est l'année passée, mais maintenant, grâce à une photo prise à Washington, apparemment, c'est de retour partout au pays pour un temps limité, au Canada, aux États-Unis. Donc, on va voir si ça revient au Canada aussi, j'espère. Taco Bell renverse son quesarito à l'envers. Donc, c'est une version renversée du quesarito. C'est le nouveau Cori Burrito, pour l'instant en test à Toledo, en Ohio. Donc, c'est une couche de deux tortillas avec de la viande enrobée autour d'un centre de fromage, contrairement à une quesadilla qui est enveloppée autour de la viande. OK. Donc, la nouvelle version qui est testée, c'est le Spicy Core Burrito et le Crunchy Core Burrito. Le Spicy Core Burrito, c'est une couche de viande, donc du bœuf, poulet ou steak assaisonné, du riz, de la sauce piquante dans la couche extérieure et un intérieur de fromage nacho, fromage en petits copeaux et des jalapeños. Le Crunchy Core Burrito, c'est la même couche de viande, du riz, de la sauce piquante, un centre de fromage nachos, fromage en copeaux et des bandes de tortilla rouge. Ça débute à 2$ pour la version au bœuf et c'est disponible dans un big box à 6$. Donc c'est Taco Bell, évidemment, seulement à Montréal et dans les environs. Et Louis-Philippe qui vient de revenir, lui qui est tellement style aller se promener à Montréal parmi les hipsters de sa race. Tu as déjà été au Taco Bell? Ouais. Du racisme, ça, Mathieu. Ouais, oui, je suis déjà allé au Taco Bell, semblait mais c'est aussi. Il y a des années de ça. Il n'y avait pas cette espèce de quesarito que c'est nouveau. Point c'est là. C'est nouveau. Puis on voit que pourquoi il y a le ito de la fin du monde, c'est à cause qu'il y a du riz comme dans un burrito. Oui. Puis sincèrement, ça a l'air ça très la bon, hein? Mais tu sais. L'intérieur fromageux doit donner mal au ventre pendant des semaines. C'est clair. Tu sais, à matin, regarder ça, je trouve que c'est un peu difficile. C'est pas de la classe de ton café Frida, on s'entend pour ça. Pour dire ça. toi qui es tellement trendy et jet set, tu vas être mon souffre-douleur aujourd'hui. Peut-être aimes-tu les food trucks, Tania aussi, peut-être les food trucks, les camions de bouffe, c'est le fun? Oui, j'ai jamais. Honnêtement, je pense que j'ai fait l'expérience de ça simplement une fois. À Chaoui, au beau parlant. Ben, genre. Pas mal ça, hein? Non, mais... personnellement, moi, ça ressemble à ça, là. Mais ils ont commencé à mettre food truck un petit peu partout. La semaine passée, on a goûté à des chips édition food truck, c'est n'importe quoi, là. On c'est vrai, ça. Et là, ça goûte rien. Les Hot Pocket Food Truck Bites. Les Hot Pocket! Pocket! Donc, les Hot Pockets. Mais c'est vraiment écrit de la même façon que nos chips de la semaine passée. Je sais, mais c'est la façon d'écrire comme sur un camion. Si c'était un Ford, ce serait la même police de caractère. Donc, c'est ouais, mais t'es sûr que c'est pas la même compagnie? C'est pas la même compagnie, je te le promets. Donc, c'est les Hot Pockets Food Truck Bites. Mais la chose qui est particulière, c'est qu'ils se sont associés avec de vrais camions de bouffe. Donc, c'est des bouchers co-créés avec The Lobo's Truck, qui est un camion populaire de bouffe ambulante. C'est pour faire des Fiery Jalapeno Lime Chicken Rollers, donc des rollers au poulet, à la lime et au jalapeno fumant. Hein. T'as aussi les versions Hot Pocket plus classiques, pas en bouchée, mais en vrai gros sandwich, en association avec Komodo. C'est bœuf épicé à l'asiatique. T'as aussi des bouchées un petit peu plus petites qui est en collaboration avec Baby's Burgers. Oui, c'est ça, Baby's Burgers. Au Smokin' Bacon Barbecue Recipe Burger. Et t'as un autre avec Komodo. Bref, Komodo, j'avais déjà fait. Il y avait deux fois la même photo. Bref, il y en a plusieurs. Version Food Truck, peut-être qu'on aura ça un jour ici. Mais en même temps, ça doit vraiment pas goûter, même pas proche. Ça, ça a même pas l'air bon. Non. Mais les camions de bouffe se sont associés à ça. Donc, j'imagine qu'ils ont leur mot à dire sur la qualité de la nourriture. J'espère. Ouais. Ouais, mais tu sais, c'est relatif, ces choses-là. Ouais, ça fait pizza pochette, ouais. Un peu mix étrange. Ouais. Pas sûr, mais on goûterait quand même si on avait l'occasion. Mmh. Je pense comme moi, oui. moi, je goûterais à tout. Si on me l'offre gratuitement, je suis ouvert. Ensuite, ça, c'est bizarre, c'est de l'eau de seltzer. Tu sais, du seltzer, c'est de l'eau pétillante. Ouais. 100% naturelle, au baiser de licorne. C'est comme des pas des larmes, là, des baisers de licorne. Et puis, il n'y a pas de calories dans les baisers de licorne. Aucune calorie. Fait familial. Si c'est de l'eau, c'est trop logique. Ça. Depuis 1992, c'est marqué nouveau logo. OK, félicitations pour votre nouveau logo. C'est bien de l'écrire sur la bouteille. C'est comme moi qui ai précisé que ma KitKat avait touché à quelque chose de chaud. Qui n'était pas mon... ouais, non, c'est... Ensuite, un filtre infini pour la carafe Brita connectée à Amazon. C'est la Brita Infinity, le nom d'une nouvelle carafe filtrante infinie qui dispense de se préoccuper des filtres. Le spécialiste de la carafe filtrante Brita n'a pas trouvé une alternative perpétuelle au procédé du charbon actif, non, sur lequel reposent ses systèmes. Pour son nouveau modèle, il a développé une carafe connectée à Amazon. Comme tous les modèles existants, la carafe mesure la quantité d'eau filtrée. Lorsque le filtre approche de sa capacité maximale, elle ne se contente pas de le signaler avec une petite lumière comme les Brita qu'on a l'habitude d'avoir. À la place, c'est connecté au réseau Wi-Fi et c'est associé à un compte Amazon. Elle commande automatiquement un nouveau filtre afin qu'il soit livré à temps. Il ne restera plus au client que de déballer le nouveau filtre et à le remplacer. C'est pas fantastique, ça? C'est un peu comme le Amazon Dash là, qui te permet de commander du savon à vaisselle ou à lessive instantanément. Ça avait vendu 45$ américains aux États-Unis. Donc, le seul marché sur lequel Amazon Dash est disponible pour l'instant. Mais c'est le genre de choses que j'aimerais avoir. Moi, j'avoue que quand je change mon filtre, je laisse plus longtemps que prévu. Parce que vu que je suis tout seul, je me dis... Bon, tu sais, je suis pas une famille de trois, j'ai pas d'enfants qui boivent plein d'eau. Je suis tout seul, puis j'en bois pas tant que ça. Donc, je laisse aller plus longtemps que prévu. Mais en même temps, c'est peut-être pas le nombre de filtrages. C'est peut-être aussi la durée en termes de mois. Peut-être. Je sais pas. Fait que, tu sais, c'est difficile pour moi de gérer mes filtres. Et comme ça... C'est pas non plus une question de cope de café comme du Keurig. Y a rien de mal dans le fait de recommander à l'infini ces filtres-là. Mais non. Voilà. Et dans le même domaine, un distributeur automatique de viande, distributeur de pain, de fruits et même maintenant de viande, les automates ne se contentent plus de servir café et sucreries, mais proposent désormais les produits frais au point parfois de s'apparenter à de nouvelles formes de commerce de proximité. À Paris, non loin des étals d'un primeur et d'un fromager, un gros rectangle de métal rouge et blanc annonçant un boucher basque à toute heure a fait son apparition le 8 février dernier. Lui n'a pas posé des cafés et autres chips, ce distributeur automatique se présente comme une extension de l'ami Soulette, la boucherie du quartier. Il permet aux carnivores noctambules ou flâneurs du dimanche de se procurer côtes de porc, faux filets et autres saucisses au gré de leurs envies. La machine propose une quinzaine de produits. Les meilleures ventes de la boucherie, mais aussi œufs et sauces d'accompagnement, offrent un service supplémentaire aux clients et aux personnes de passage. Les tarifs sont au maximum 30 centimes d'euros plus chers qu'en boutique, donc quelques cents de plus. Mm-hmm. La différence est imputable à la nécessité d'absorber les frais liés à l'achat de la machine et à la mise en barquette. Donc, il faut les mettre dans des trucs distribuables, des petits emballages, là. Tout fait à base de juste le mettre dans un papier. Est-ce que c'est pas triste un petit peu? C'est un peu triste. Mais non, mais en dessous de la photo, c'est marqué « Ce genre de distributeur permet aux commerçants de générer des ventes additionnelles en dehors de leurs heures d'ouverture. » Mais... Tout est calculé. Même dans les heures d'ouverture, tu dois pouvoir en acheter quand même. Donc, si tu veux éviter le contact physique avec un autre être humain, tu dois quand même pouvoir y aller. D'après moi, il va pas juste charger la machine le soir. Il doit la charger pour que ce soit disponible toute la journée. Ça doit être réfrigéré et tout. Oui, c'est sûr que c'est réfrigéré. On dit comme bien, mais en même temps un peu triste pour le contact humain, tu sais. Ouais. Mais bon pour le mais profit. Mais c'est directement à côté de la boucherie déjà, je pense. Oui, c'est ça exactement. C'est tout à fait ça. Les premiers résultats sont encourageants. Ils s'étaient fixé un objectif de 30 euros de vente additionnelle par jour. On a déjà 5 jours d'avance, donc ils ont quand même fait pas mal plus d'argent que prévu. Ils disent que c'est une nouvelle façon de consommer. Le reste de l'article est quand même assez long sur assemblagerequis.com pour ceux que ça intéresse. Nous, on va devoir terminer cette chronique-là ici parce que Julien en liberté s'en vient dans quelques instants. Et tout ça pour vous dire que non seulement c'est la fin de cette chronique d'une grosse pointe d'adresse, mais c'est aussi par le fait même la fin d'assemblage requis pour cette saison. Tristesse. Oui, malheureusement, pour des raisons hors de notre contrôle ici à Assemblage requis, évidemment, c'est une question contextuelle d'université dans le contexte financier du monde global qui nous entoure et autres termes flous pour ne pas trop aller dans les détails de ce qui se passe. Mais bref, pour une question financière, l'émission se termine aujourd'hui. Par contre, on termine pas complètement, on va être avec vous les matins quand même, avec des meilleurs moments, des reprises, des trucs qui datent de l'automne et de l'hiver. Donc ça va jouer dans notre case horaire à partir de lundi prochain. Nous, on va être de retour en direct mardi, entre 15h et 18h, dans la case horaire des Palmarès C'est fou. Donc pour ceux qui veulent nous suivre, il n'y aura pas de palmarès pour le reste de la session et le reste de l'été. Il va y avoir Assemblage requis, une formule de 3 heures avec quelques chroniqueurs qui vont venir se joindre à nous tout au long de ces émissions-là. Tu vas être là, je vais être là. Tu vas animer aussi En piste avec Tania Baudin cet été. Été, entre guillemets. À partir de bientôt, j'imagine. Oui, à partir de bientôt. Moi, je vais animer le Mathieu Plante Show les mercredis, dès la semaine prochaine aussi. Donc soyez ici les mercredis entre 15h et 17h. L'horaire régulier des émissions animées par des étudiants, des gens de la communauté, tout ça va continuer pour le reste de la session jusqu'à la fin du mois d'avril. CIF.ca pour les informations, pour savoir quand les émissions jouent. Il n'y aura pas d'émission sur l'heure du midi, mais comme je disais, nous, on va remplir quand même avec quelques meilleurs moments. Soyez-y entre 6h30 et 9h30 à partir de lundi. Mais sachez qu'on ne sera pas là pour vrai. Et voilà. C'est du mensonge. C'est terminé. Merci, Tania, pour la session qu'on a passée ensemble tous les matins. Mais merci à toi, tu plantes. 3h, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. C'est pas 8, c'est pas 9, 10, 11 qu'on faisait pendant les deux sessions dernières. Mais quand même, 3, c'est mieux que rien. Merci Louis-Philippe pour ta participation à l'émission d'aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. On remercie tous les chroniqueurs qui ont participé au cours de la session automnale et hivernale. Et on se dit à la prochaine. Oui. Julien Huberti suivra à 9h30. Bye. Bye. Bon café. Yeah. C'est fou.ca. 89.1.